Allez, salut à tous et bienvenue dans l'émission Girondin Analyse d'Abordant 90.7 et sur le net sur rgfm.fr et girondin33.com. On est ensemble jusqu'à 22h30 pour revenir sur l'actualité des Girondins. Et l'actualité des Girondins, c'est même s'il y a eu une victoire contre Lille et même s'il y a un match à jouer samedi, l'actualité elle est quand même grandement rythmée par, par l'annonce qui a été faite hier de la part de moi j'ai dit Jean-Louis Fillon, aucun mais strictement aucun rapport de la part de Alain Juppé demandant, repoussant l'annonce pour GATC et demandant une nouvelle audition pour prendre une décision finale de la part des élus. Donc ça aura lieu normalement, si je ne me trompe pas, le 12 octobre, la date des déclarations. Donc on est ensemble ce soir, il y a du monde, on va avoir des invités. Alors je ne t'entends pas, je ne sais pas ce que... baisse la musique, oui, ça marche, ça va mieux comme ça. Donc ce soir on est une team complète puisque Cyril, Thibaut, Adrien et Enzo sont ici. On va avoir des invités, mais on a déjà un invité en studio. L'une des personnes les plus contestées de Twitter en ce moment. Bonsoir Florian. Bonsoir. Florian, un des responsables des Ultramarines que vous pouvez suivre sur Twitter, que vous pouvez suivre au stade aussi. Et on aura deux personnes, Cyril, avec nous au téléphone ce soir. La première personne qu'on va voir, c'est Mathieu Rouvert, donc élu socialiste à la mairie de Bordeaux. Et en fin de première heure, nous recevrons par téléphone donc Pierre Rondeau, économiste qui écrit pour Slate et pour ecofoot.com. Donc voilà les deux personnalités que nous allons avoir par téléphone. Bien sûr, vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31 quand l'antenne est libre. Ce soir, ça va être compliqué, je vous avouer. Ouais, mais ce soir, c'est voilà, grosso modo, c'est une émission qui est faite pour les supporters, pour lever un maximum. Pas de doute, mais un maximum d'informations pour ceux qui ne savent pas vraiment. On va essayer d'apporter pas mal de réponses ce soir, en sachant qu'on va essayer de continuer à recevoir d'autres invités, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qu'on a contactés qui n'ont pas pu répondre présents ce soir. On remercie Florian d'être là parmi nous ce soir, ainsi que les deux personnes qui ont accepté d'être parmi nous. Et vous pouvez aussi réagir en direct avec le hashtag DirectGA sur Twitter. Juste pour préciser, parce qu'avant qu'on ouvre l'émission, on a beaucoup de gens qui vont s'exprimer, qui ont une position connue contre, qui sont pas forcément pour le rachat ou qui sont pas pour ce rachat-là en tout cas. Il faut savoir qu'on a sollicité des personnes qui défendaient la version du rachat et qui... n'ont pas souhaité s'exprimer, donc on a quand même fait la démarche, on tient quand même à signaler aux auditeurs que nous avons fait la démarche d'inviter des gens qui étaient favorables et qui ont fait le choix de ne pas vouloir s'exprimer ce soir, libre à eux de s'exprimer plus tard. Mais ils peuvent appeler. Exactement, si les auditeurs qui voudraient exprimer un point de vue contraire à celui qui est défendu ce soir par nos invités, l'antenne est libre, 05 56 35 31 31. Donc on a quelqu'un au téléphone, Marc ? Non, mais on a un invité autour de la table. Oui, non, mais je sais pas, il y a le téléphone qui a sonné. Donc. Non, c'est moi qui testais. Mets ton micro. C'est moi qui testais de savoir si tout marchait correctement, donc c'est le cas. Donc on peut redemander à notre invité de nous rappeler, mais vous en avez un autour de la table. C'est peut-être de commencer par toi. Je vais être délicat avec mes partenaires, je vais commencer. pour ou contre le rachat ? Je pense que t'as compris qu'on était contre. Ouais. Ouais. Non mais après, est-ce que tu peux nous faire juste un petit rappel, les raisons qui ont amené les Ultramarines à prendre assez tôt position contre le rachat. Un historique, disons qu'on a été alerté mi-août, puisque vous avez remarqué qu'au départ, on n'a fait aucun procès d'intention et on a plutôt accueilli Dagrossa agréablement. Mi-août, on a été alerté par différentes personnalités au sein du club qui nous ont aussi dit on est en train d'essayer de faire tirer Henri. Ce qui nous a été rapporté à cette époque-là était extrêmement alarmant sur les pratiques les pratiques qui s'étaient manifestées pendant l'été au niveau des transferts, des choses assez assez choquantes, qui ont été confirmées par la suite par par diverses sources. Encore une fois, diverses et variées. Après, bon, parallèlement à ça, on nous dit on est en train d'essayer de faire tirer Henry. Donc, pour nous déjà, on tombe des nues de tout ce qu'on apprend. Et puis on se dit, si tirer Henry choisit de venir dans cette aventure, c'est qu'il y a, il y a quand même, ça nous offrait une garantie morale, quoi. C'est-à-dire, ça rassure un peu tout le monde, quoi. Et puis bon, il nous fallait le temps d'analyser les choses et on a observé ce qui s'est passé avec la gestion du cas Thierry Henry. Où la première semaine, M6 mène la discussion. Les signaux qui sont envoyés de part et d'autre sont plutôt des signaux positifs. Tout d'un coup, on se retrouve au centre de la planète football pendant une semaine et tout ça est plutôt rassurant. Et puis la deuxième semaine, on sent que ça tourne au vinaigre. Visiblement, GACP a pris le dossier en main. Et là, on passe d'être au centre de la planète football à être ridiculisé, quoi. Donc en fait, la première action des repreneurs potentiels, c'est de ridiculiser le club. Il y a quand même mieux comme entrée en matière. Attends, on va... Vas-y Cyril. Ouais. On a Mathieu Rouvière au téléphone. Bonsoir Mathieu. Mathieu Bonsoir. Rouvière. Je reprendrai l'historique plus tard. Bonsoir Mathieu. Oui, on reprendra l'historique plus tard. Mais justement, est-ce que... Première question par rapport à ce que vient de dire Florian. Est-ce que vous avez l'impression aussi que cet achat commence mal dans le sens où on a aussi l'impression d'être ridicule? En tout cas, moi, ce que je peux constater côté puissance publique, c'est que depuis le début, il manque des informations. C'est un peu ce que je dénonce depuis quelques semaines maintenant. Et que ça se rajoute à, effectivement, ce que dit Florian Brunet, et qui nous a fait dire que quand on met bout à bout l'ensemble des informations qui concernent cette session, on n'est pas vraiment rassuré. Mais pas vrai. Bonsoir déjà. Pas vraiment rassuré dans quel sens? Parce que on a entendu beaucoup de choses sur la partie. Alors il y a eu. Vous avez publié sur votre site plusieurs documents qui faisaient état du montage concernant le rachat donc des Girondins avec la double casquette, enfin la société luxembourgeoise d'un côté, la société française qui chapeaute un peu les Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qui finalement dans ce montage, dans cette opération financière, dérange les élus dont vous êtes un peu le porte-parole ce soir? Alors, je me garde bien d'être le porte-parole des élus. Moi, je vous donne quel est mon sentiment. Ce que fait apparaître le montage, c'est que dans l'hypothèse où le club n'arrive plus à payer son loyer, donc dont il faut rappeler qu'il est de 3 850 000. Et il faut rappeler également... C'est ce que payait M6 quand elle occupait le stade Chaban, ou le stade Lescure, si vous préférez. Oui. C'était entre 150 000 et 200 000, grand maximum, c'était fonction des recettes. Donc on passe de 150 000 à 3 800 000, on comprend bien le poids que cela représente dans le budget du club. Eh bien, aujourd'hui, si jamais le club ne peut pas payer, c'est M6, via une lettre d'intention, qui se substitue à lui. Dans ce qui devait être délibéré aujourd'hui au Conseil de Métropole, c'était de savoir si le montage nouveau était en tout cas sensiblement équivalent en termes de garantie que ce que proposait M6. Et voilà ce qui se passe. Donc, hypothèse où les Girondins ne peuvent pas payer le loyer, c'est la Dimami SA, donc la société qui a été créée pour racheter le club, oui. Qui prend le relais. Sauf que cette société... elle n'aura dans son capital que le club, évidemment, avec également ses dettes. On se doute bien que si le club ne peut pas payer, la Dynamo USA, dont le capital social aujourd'hui est à 1 euro, ne pourra pas non plus le faire. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième garantie, une deuxième lettre d'intention, la première ne compte pas vraiment, c'est celle de GACP. GACP dit, bon, si jamais le club ne peut pas payer, et si jamais la Dynamo ne peut pas payer, moi je paye. Et moi ce que je dis, c'est que on a aucun élément nous permettant de vérifier la surface financière de GACP. Donc il faut rappeler également qu'elle emprunte elle-même auprès de fonds spéculatifs pour racheter le club. Donc si jamais ça se passe pas bien, les Fort West et les King Street, elles vont venir évidemment demander des comptes à GACP. Si jamais elles ne peuvent pas obtenir de l'argent de cette société, elles vont venir évidemment dépiauter le club, parce que en face de nous, on a des gens qui font de l'argent. Il faut voir que c'est pas des philanthropes, c'est pas des gens qui viennent investir pour la beauté du sport, c'est pas un coup de cœur. Voilà, moi la difficulté, elle est là. Si demain on nous dit, mais non, il n'y a pas de problème, vraiment de ce point de vue-là, on est sûr qu'on est payé, et puis bien sûr, on est sûr que le club va être pérenne et que le projet sportif est, tient la route, moi je m'y oppose pas. Vous voyez, j'ai déjà dit que j'étais pas contre la reprise, j'ai dit que cette reprise-là nous pose des questions, et qu'en l'état actuel des choses, les élus de la métropole ne pouvaient pas voter la délibération qui dégage M6 de ses engagements, et évidemment qui propose à GAPC de s'y substituer. Monsieur Rouvert, donc on va rappeler vite fait à nos auditeurs que vous êtes un élu bordelais. Moi j'ai une question, vous parliez tout à l'heure de substitution, vous mettiez King Street et Fortress derrière GACP. Pourtant quand vraiment un amateur de loin, j'y connais pas grand chose en finance, mais j'ai l'impression que King Street et GACP sont partenaires et que c'est Fortress qui est en backup. King Street et Fortress sont des créanciers, sont des financeurs, ils prêtent l'argent. Donc en fait il y a que GACP qui est, qui est porteur du projet. Voilà. Alors après, il y a une histoire d'action avec des droits dont on ne sait pas trop exactement comment elle fonctionne. Si vous voulez, nous, on aimerait avoir le rapport de la direction nationale des contrôles de gestion, parce que il semblerait, d'après les informations qu'on a obtenues de la conférence d'un invité, il semblerait que la DNCG ait un peu fait le tri dans ce montage un peu complexe. En tout cas, les élus ont été mis en possession de documents qui sont insuffisants. Donc moi, j'aimerais vraiment mettre la main sur ce rapport de la DNCG pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors admettons, donc là vous allez avoir, on va dire, je crois 15 jours, 3 semaines pour étudier les documents et obtenir justement des informations complémentaires. Moi j'aimerais juste qu'on se projette un petit peu dans le futur plus ou moins proche, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on est le 11 octobre, puisque déjà il y a une audition, Vincent Feltès, votre collègue de la métropole et ancien président de la métropole, a demandé à ce que cette audience soit publique. Donc l'audience de Joe Dagrosa avec M6, je crois, sera présent aussi, donc pour demander un petit peu, voilà, des éclaircissements, etc. Et le 12 octobre, vous allez donc voter sur oui ou non, vous donnez caution, enfin vous donnez votre accord pour que le rachat se fasse. Et imaginons que la métropole, dans un sursaut peut-être républicain et démocratique, disent finalement on n'a pas assez de garanties. Qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite, d'après vous? Ça va compliquer les choses. Moi, ce que je dis en tant que juriste, c'est que il est quand même possible pour M6 et GACP de s'entendre. Il faudrait pour cela que évidemment la garantie qu'offre M6 soit maintenue, mais rien n'empêche à M6 d'obtenir elle-même une contre-garantie de la part de GACP. C'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible, surtout si M6 est complètement déterminé à vendre le stade. Mais il est vrai que ça enverrait un très mauvais signal. Il n'est pas certain que GACP et M6 arrivent à être sur cette ligne-là. En tout cas, on peut penser que on peut le penser objectivement que ça mettrait fin à la session telle qu'elle est envisagée aujourd'hui. Parce que, que dit Alain Juppé dans sa conférence de presse? Il dit, moi j'avais pas vu tout ça. Pourtant, il a bien reçu M. Dagrosa, il lui a posé des questions. Et on se souvient qu'après l'entretien, M. Juppé disait, mais c'est une chance pour le club, cette reprise. Voilà. Et là, il a bien eu en possession, et je pense que c'est le rapport de la DNCG, c'est ce qu'il semble indiquer dans sa conférence de presse, des informations qui semblent être contradictoires par rapport à ce que M. Dagrosa lui a dit, et qui l'ont amené à changer d'avis. C'est pas neutre quand même. Et donc, et notamment, on a vu un extrait de cette conférence de presse où il dit, mais moi, on m'avait pas dit qu'il y aurait moins de 10 millions sur les dépenses, et dont on peut penser que, évidemment, elles visent en partie les dépenses de personnel, la masse salariale. Si on lui a pas dit au moment où il a reçu M. Dagrosa, pourquoi c'est dans le rapport de la DNCG, quelles conséquences ça va avoir? Je pense que M. Juppé n'est pas prêt à assumer d'être complice, en quelque sorte, d'un plan social important. Et dans l'hypothèse, puisque lui, M. Juppé, il dit, il faut me représenter les choses, sinon on peut imaginer que le voyant va rester à l'orange, et donc c'est pas bon pour GACP. Mais quelle marge de manœuvre a GACP pour modifier aujourd'hui un business plan qu'il a présenté à King Street et à Fortress pour obtenir l'accompagnement financier? surtout en 15 jours, parce que vous l'avez dit effectivement, un peu plus de 15 jours, audition le 11 et vote reporté au 12 octobre. Donc on voit bien que l'équation semble extrêmement compliquée aujourd'hui. Oui, d'autant plus, Mathieu, que ce qu'a vendu Dagrossa à ses créanciers, c'est ce qu'il a présenté à la DNCG. Un objectif de rentabilité. Alors, là, il dit aujourd'hui, évidemment, pas la première année, mais enfin, on n'a jamais compris ça. Il a un objectif de rentabilité qu'il a vendu à ses créanciers et qu'il a présenté à la DNCG, et c'est ça que la DNCG a relevé. Un objectif de rentabilité entre 10 et 20 millions d'euros sur les 3-4 années qui viennent. Et c'est ça qui tient pas la route. En tout cas, il y a rien. Et parce que je voyais sur Twitter des gens qui disaient oui, mais vous ne connaissez rien en finance, etc. Bon, il faut quand même pas être un expert en finance pour voir que l'équation que M. Dagrossa nous propose ne tient pas la route, effectivement. Donc, à moins que il revoie son plan, mais alors à ce moment-là, il faudra évidemment qu'il mette des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on voit pas comment ça peut fonctionner. Oui, et puis on voit la dangerosité, parce que non seulement le projet qu'il a vendu à ses créanciers de 10 à 20 millions de rentabilité dans les années qui viennent est totalement infaisable, on le sait, personne ne le fait. Lyon, par exemple, on a été qualifié pour la Ligue des Champions en la faisant très régulièrement, fait 5 millions d'euros de bénéfices cette année. Personne gagne de l'argent dans le foot. Donc non seulement il va pas tenir ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, mais en plus de ça, il va falloir qu'il fasse ce qu'a fait M6 pendant très longtemps, c'est-à-dire rajouter tous les ans une somme d'argent importante. Mais qui va le suivre là-dessus? Et King Street a prouvé qu'ils étaient là, pas du tout pour des raisons effectives vis-à-vis des journaux de Bordeaux. Mmh. Ils font du business. Ils prêtent de l'argent à des taux d'intérêt très forts. C'est leur raison d'être. Et si la personne qui porte le projet n'arrive pas à ses fins, et c'est Dagrossa qui porte ce projet, bah King Street récupère ses actifs en récupérant le club, comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu. Et après, on représenterait peut-être, faudrait faire le calcul, mais 0,00001% des actifs de King Street. Et je pense pas que un mastodonte mondial comme ça soit très impressionné par la mairie de Bordeaux. Même la garantie de payer les 3,5 millions, ils vont envoyer une armée d'avocats et puis ils sont même capables de pas respecter leur engagement. Et puis après, ils vendront sans aucune pensée pour l'avenir au premier qui passera. Il va y avoir une augmentation des droits de télé qui n'est pas négligeable. Est-ce que vous savez combien ça fait environ par club? En tout cas, pour les Girondins de Bordeaux, ça devrait être entre 16 et 20 millions d'euros. De plus, en gros, peut-être que le calcul de M. Dagrossa, il est très simple. Il est de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il ait le club à l'équilibre au moment où les droits télé changeront, ce qui veut dire que si les droits télé changent et qu'il fait pas plus de dépenses, mais il récupère 15 millions par an. Mais il faut voir un truc avec les droits télé, et ça va changer pour tout le monde. Tout le monde. Ah non, mais j'ai pas dit que sportivement, on allait avoir quelque chose de bon. Voilà. Je parle juste financièrement. Si le projet de Dagrossa, c'est de financièrement pas dépenser plus qu'il a aujourd'hui. Le projet, dans les projections du business plan, c'est tu as une augmentation exponentielle des recettes en fonction de plusieurs paramètres, qui sont l'augmentation des droits télé d'un côté, et dans le business plan, il y a aussi toute une partie merchandising merchandising et aussi taillé dans les dépenses. Les charges qu'on appelle du club. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le Bordeaux, structurellement, c'est 7 millions de déficit. Donc, taille... Minimum. Enfin, plus. L'année dernière, on était à 10 millions. Mutation, vous appelez transfert. Oui. Hors transfert. Donc, par exemple, sur les derniers comptes publiés, c'est moins 10 millions. Parce qu'on sait comment un petit peu ça marche avec M6. Ils font des mandats financiers pour dire qu'ils paieront les dettes apparaissent. Et puis, c'est un peu bizarre comment c'est géré. Mais bon, il y a un déficit. C'est bien ce que je dis. C'est le but avec l'augmentation du merchandising. Je dis pas que je suis d'accord. Je dis juste que ça doit être à peu près le délire qu'il doit faire. Il doit se dire, en diminuant les dépenses un petit peu, en vendant quelques joueurs supplémentaires, en réduisant la voile du groupe, je dois arriver à l'équilibre. Ce qui est pas bon, parce que si t'augmentes tes droits télé, forcément les joueurs vont augmenter leur salaire. Mais c'est comme la NBA. C'est comme la NBA quand ils augmentaient. C'est comme la NBA quand ils ont augmenté les droits de la NBA, forcément les salaires des joueurs ont augmenté la seule différence, c'est que rien ne t'oblige, parce que vous partez du principe que Dagrossa, son objectif, c'est d'avoir des résultats sportifs. Sportif, mais à partir du moment où tu annonces dans TF1 que le but c'est d'être européen tous les ans, de battre le PSG, de battre concurrencer Lyon et Monaco. Bien qu'il a pas étudié le sportif pour balancer ce Jordan Rhys, c'est qu'il a juste pas étudié le sportif. Moi, je vous assure, Gravosa n'a rien à faire du sportif. Son rôle, c'est de prendre un club, de faire pendant 2-3 ans de le montrer qu'il peut avoir 15 millions de déficit et de le revendre à quelqu'un qui se dira, ah, ben je peux faire de l'argent. Point barre. Il est que là. En fait, le projet d'Agrossa, c'est prendre un club malade financièrement, le remettre bien et le revendre. Il faut décortiquer tout ce qu'il dit point par point, parce que c'est extrêmement important d'étudier ce qu'il veut faire. Mais avant toute chose, ce qu'a relevé la DNCG cette semaine et qui a fait basculer Juppé dans cette décision, c'est le fait que les objectifs de rentabilité de d'Agrossa sont irréalistes. C'est ce qu'a dit la DNCG. En rouge. Voilà, ce que vous vendez en bénéfice dans les années qui viennent est irréaliste. Et ce qui est grave, c'est ce que a vendu d'Agrossa à ses créanciers. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qui est dangereux pour le club. Mmh. Voilà, King Street et Fortress ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu ce projet. Eux, ils y ont cru. Ils s'y connaissent pas plus que sans football. D'Agrossa a réussi à les convaincre. Mais la DNCG, qui elle s'y connaît beaucoup mieux, s'aperçoit que c'est totalement fou. Donc c'est ça qui est dangereux pour le club, c'est que dans les années qui viennent, on n'a pas la garantie d'avoir une puissance financière derrière pour assurer la pérennité du club et continuer de mettre de l'argent. Et on ne peut pas déconnecter résultats sportifs et résultats financiers. On sait que il ne suffit pas d'avoir de bons résultats sportifs pour faire des bénéfices, mais on sait aussi que des mauvais résultats sportifs entraîneront des déficits. Donc il ne peut pas se désintéresser du côté sportif. Il ne peut pas venir, parce que si son objectif c'est partir dans 5 ans, il est quand même obligé de valoriser ce club et de faire en sorte, effectivement, au regard des pronostics qu'il fait, en tout cas des défis qu'il se lance, investir dans les joueurs et avoir un vrai projet sportif. Sans projet sportif, il n'y aura pas de rentabilité. Adrien, oui. Tu voulais non, intervenir. Mais c'est vrai que ce qui interroge aussi sur le projet et sur le budget, quand la DNCG dit un peu trop optimiste, c'est que en économie, il y a un principe de prudence quand on prévoit un budget, etc. Et c'est vrai que ce budget paraît plutôt optimiste et pas dans se dire que pour lui, il va faire des mercato peut-être que comme ceux de cet été, c'est-à-dire où on va attirer beaucoup de bénéfices de la vente des joueurs. Où là, d'accord, il serait possible d'arriver à changer à ce la stratégie. Oui. Aujourd'hui, il a déclaré que le trading de joueurs, trading player comme ils disent, c'était plus central dans le projet. Oui, ça a changé en une semaine. C'est une interview qu'il a donnée au Parisien. Monsieur Rouvert, pour terminer avec vous, est-ce que voilà, quel est votre sentiment sur les prochains jours et sur voilà, est-ce que vous pourrez, parce que c'est une question qu'on nous pose sur le chat, est-ce que vous êtes résolument et anti-américain, enfin anti-projet GACP, ou est-ce que votre position, comme celle de vos collègues, peut être amenée à évoluer dans un sens plus positif ? Et quels sont les éléments qui pourraient justement amener à votre position à évoluer ? Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne veux pas être un imbécile. C'est-à-dire que si M. Dagrossa nous explique qu'il y a un vrai projet sportif, que les gens qui s'y connaissent mieux que moi en la matière me disent on peut avoir confiance en ce projet sportif. Et que d'un autre côté, on s'assure que financièrement, les intérêts de la puissance publique sont préservés, il n'y a pas de raison de s'opposer à cette... Moi, je me fiche qu'il soit américain ou pas. Je regrette évidemment qu'on ne trouve pas en France des entrepreneurs qui soient capables d'endosser cette responsabilité. Mais après, moi, je pense que l'intérêt premier, c'est celui des Girondins de Bordeaux. Si M. Dagrossa revient devant les élus en expliquant que, eh bien, il a remis des billes dans la machine parce que ça ne passera que par là, eh bien, à ce moment-là, pourquoi pas? Je dis juste que je ne vois pas comment il va parvenir à ça en 3 semaines, alors que pour le moment, il nous a plutôt promenés. Mais voilà, là encore, moi, je ne demande qu'à être démenti et à être convaincu par M. Dagrossa. Et dernière petite question bonus. On a vu que GACP aussi s'intéressait ou s'intéresserait, je vais employer du conditionnel parce qu'il faut être prudent avec ça, au stade, au Matmut Atlantique, René Galice, pour les fans. Est-ce que pour vous c'est une ligne rouge? Est-ce que la métropole doit éventuellement vendre le stade ou céder aux sirènes d'achat du stade? Moi, je suis à 100% favorable à vendre le stade. Oui, je vous explique pourquoi. Oui. Il n'y a aucune activité de service public sur ce stade. Si jamais, par exemple, demain, un club amateur souhaiterait pouvoir mettre les pieds, les crampons sur la pelouse, ça lui coûterait un fric monstre. Les écoles ne peuvent pas y accéder. Aujourd'hui, c'est un, si tout le monde paye ce qu'il doit, il reste quand même près de 2,5 millions à la ville à payer chaque année. Chaque année. Moi, je me dis que cet argent, si la ville pouvait récupérer ce qu'elle a investi et ne pas payer ce qui est prévu jusqu'à la fin du contrat, elle le réemploierait dans le sport amateur et ailleurs. Et par ailleurs, ça laisserait aux repreneurs, à supposer évidemment qu'il ait les moyens, aujourd'hui c'est pas le cas, la possibilité de faire ce qu'il veut du stade. Et donc peut-être que la stratégie marketing sera peut-être plus réalisable, à supposer qu'il y a un vrai public pour ça. Je suis plutôt convaincu par les arguments de Florent Brunet qui nous alerte sur le caractère populaire aussi du public. Et troisième partie prenante, et qui n'est quand même pas neutre, c'est SBA, la société qui a construit et qui exploite le stade, donc la société Vinci Fayat. Cette société a tout intérêt à le vendre, ce stade, parce qu'elle perd de l'argent et elle va continuer à en perdre pendant longtemps, dans la mesure où le plan d'affaires, vous voyez, qu'on retombe sur la même, le même scénario. Le plan d'affaires initial, imaginez un naming deux fois supérieur à ce qu'ils encaissent aujourd'hui. Et donc, on voit quoi? On voit des déficits de 2 millions et ça va être un déficit structurel parce que il devait normalement SBA équilibrer avec les spectacles, etc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez, quand ça commence à arriver. Oui, mais pas à la hauteur de ce dont on a besoin aujourd'hui pour rentabiliser ce stade. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, SBA a essayé auprès de la mairie de renégocier les fameuses recettes nettes garanties des 4,5 millions par an qui viennent en déduction du loyer que paye la ville, maintenant la métropole, mais remboursée par la ville. Donc, on voit bien que tout le monde aurait intérêt à vendre ce stade parce que s'il est à la main du club, il sera évidemment plus facile d'y faire ce qu'on veut à l'intérieur. En revanche, je ne vois pas comment M. Dagrossa pourrait trouver cet argent, sachant qu'il a dû emprunter pour il doit emprunter pour acheter le club. Qui il va trouver autour de lui pour acheter un stade alors qu'on n'est pas du tout certain que on puisse le rentabiliser à l'échéance, en tout cas voulue par M. Dagrossa. Monsieur Rouvert, combien aujourd'hui il faudrait pour acheter le stade et s'il y avait des entreprises qui seraient intéressées? Parce qu'à un moment donné, il y avait une rumeur de Philippe Antschust, ou je ne sais plus comment il s'appelait, qui aurait été intéressé par le rachat du stade. Si on regarde, alors vous savez que je suis allé au Conseil d'État pour faire annuler la délibération parce que j'avais considéré qu'Alain Juppé, dans le cadre du PPP, n'avait pas donné tous les coûts concernant le stade. Le Conseil d'État m'a donné raison, Alain Juppé a repris une délibération. Si on regarde ce que le stade a coûté en investissement et qu'on y ajoute les frais financiers et les impôts aujourd'hui payés, il faudrait imaginer que ce stade puisse être vendu environ 350 millions d'euros. Je pense que plus ou moins 350 millions d'euros, on trouverait un accord. En tout cas, côté puissance publique et côté SVA, à mon avis, ils s'en satisferaient, chacun récupérant les billes qu'ils ont mis sur la table et évidemment évitant de payer davantage dans l'avenir. Maintenant, il faudrait trouver évidemment un repreneur capable de débourser une telle somme. Eh bien, on vous remercie, Monsieur Rouvert, pour votre disponibilité ce soir pour répondre avec à nos plaisir. Questions. Et puis, on espère avoir des nouvelles d'ici le 11 octobre pour savoir un petit peu ce qu'il en est. On suivra ça. À bientôt, et, bonne soirée. On vous retrouve Mathieu. Dimanche sur France 3 Aquitaine. Et puis, pour le prochain vote, donc le 12 octobre, c'est ça donc, alors, moi, je ne siège pas au Conseil de métropole, mais effectivement, le Conseil métropolitain exceptionnel a lieu le 12 octobre. D'accord. Et sera retransmis en direct. Merci, Monsieur Rouvert. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Donc, un grand merci à Monsieur Rouvert. Donc Florian, tout à l'heure on parlait de l'identité historique, l'historique du l'historique du rachat. Donc voilà, on en était donc à Thierry Henry et puis cet épisode plutôt humiliant, on va dire. C'est-à-dire on est passé un peu pour des caves, on va dire, gentiment. Après, on s'est rendu compte que que l'analyse qu'on était en train de faire depuis quelques semaines était la même que celle qui, de ceux qui observaient le club depuis plusieurs mois, que ça soit des journalistes que l'on connaît très bien et qui ont beaucoup suivi le club cet été, qui ont beaucoup observé, ainsi que des personnes diverses et variées qui côtoient le club au quotidien. Personne n'était rassuré, donc on a commencé un petit peu à regarder quels étaient les personnages qui nous étaient envoyés sur le terrain. Là aussi, pas très rassuré. Varela, plutôt bon, sans vouloir faire de procès d'intention, mais enfin Varela visiblement a des amis proches du grand banditisme qui ont trempé dans des paris truqués en Europe de l'Est. Enfin rien de très rassurant. Et puis on peut pas dire qu'il ait une réputation dans le football qui soit très très flatteuse. Alain Yacine, plein de journalistes ont travaillé dessus, très très difficile de connaître l'historique de cet homme-là. Donc encore une fois, des gens mystérieux. Mais voilà, c'est tout un tas de signaux qui font que d'un moment on n'est pas rassuré. Donc tout ça nous a amené à monter au créneau pour comment dire, ben justement pour susciter le débat, pour que tout le monde s'explique. Ça a très bien marché. Alors ça a été de la provoque effectivement, mais c'est un débat qu'on peut avoir. L'histoire de l'argent, ça a eu le mérite de faire sortir Dagrossa du bois très fort. Et après subjectivement, quand on regarde, et ça aussi... Vous n'avez pas eu peur à ce moment-là d'être attaqué? C'est l'association qui s'est exprimée, mais on peut en débattre rapidement. On a ensuite observé l'organisation GACP. On s'aperçoit que tout est organisé pour au maximum optimiser l'impôt, optimiser et éviter l'impôt. Tout est imaginé ça, pour... Les vierges... Non, moi, ce qui me dérange même, c'est que Bordeaux le fait pas à l'heure actuelle. Il y a une phrase qui m'a dérangé dans les interviews de Dagrossa. C'est quand il dit que c'est plus intéressant en France de reprendre un club plutôt qu'en Espagne. Parce que pour des raisons fiscales, ils ont pas fait rétaffer pour des raisons fiscales, c'est ce qu'il a déclaré. Sauf que quand on se renseigne un peu, il y aurait d'autres raisons. Mais voilà, je veux dire, c'est pas le sujet. Encore une fois, ce sont des signaux. C'est pas le fond du problème. Mais juste pour conclure sur ça, je suis désolé, mais on paye tous des impôts. Pourquoi tout le monde ne paye pas des impôts? Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. Hein, et quelque part, de l'argent qui échappe à l'impôt, même si c'est légal, c'est immoral. C'est moralement condamnable. Pour que Bordeaux lutte dans le football européen, va-t-il falloir que Bordeaux fasse comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco, comme Paris? Il faut pas pleurer. Paris a un avantage fiscal par rapport au Qatar. Pas tout l'argent investi par les entreprises qatariennes ont des avantages fiscaux. Les monégasques ont des avantages fiscaux dus à la... Marseille a un montage financier, voilà. De poupées russes à la bordelaise. L'OL, j'en parle pas. Enfin, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas en parler pendant 10 ans. C'est clair que c'est quelque chose qui est choquant, mais qui est pratiqué par tout le monde. Ça, on peut bien l'entendre. Mais bon, on s'aperçoit que on est au Delaware, qui est réputé un paradis fiscal opaque. On est organisé aux îles Caïmans. Alors le Luxembourg, ils sont dans l'OCDE, il y a pas de problème. Mais enfin, on imagine là aussi une organisation financière pour éviter d'être taxé sur les plus-values au moment de la vente. Et aussi pour faire remonter des dividendes, puisque son objectif, et c'est ça qui est le plus choquant dans son projet, même s'il se rattrape un petit peu aujourd'hui, mais c'est de distribuer des dividendes. Voilà, par le biais de cette holding qui remonte au Luxembourg. Donc tout est imaginé pour échapper à l'impôt. On va pas en discuter pendant 10 ans, mais ça fait pas partie de ce qui peut nous rassurer. Et puis, au contraire d'M6, c'est pas une entreprise qui a pignon sur rue, qui a une réputation européenne. C'est quelque chose de quand même assez nébuleux et assez complexe, avec des arcanes un peu à droite, à gauche. Bon, voilà. Quand vous ajoutez à ça l'ambiance qu'il y a eu cet été, l'épisode Thierry Henry, le pédigré des gens qui nous sont envoyés sur le terrain, ça commence à faire beaucoup de signaux. Bon, voilà. Pour finir sur l'argent sale, ça a eu l'avantage de faire sortir Dagrossa du bois, donc par cet aspect-là. Il a eu une tournée médiatique. Voilà. Alors là, on passe sur une autre étape. C'est-à-dire que là, nous, on a attaqué. On était encore dans la réflexion à ce moment-là. Vous savez, on est pragmatique. Hein. Et encore une fois, j'anticipe un peu, mais la première chose qu'on dira, si ça se produit, on va se battre jusqu'au bout pour que ça se produise pas. Mais la première chose qu'on dira quand même, s'il aura réellement fait ses valises, si Dagrossa prend réellement la tête du club, c'est qu'on n'a jamais autant souhaité dans notre histoire avoir tort sur toute la ligne. Voilà, clairement. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est les Girondins de Bordeaux. C'est tout. On n'a aucun autre intérêt. Tous les jours, je lis qu'on a des avantages. Mais quels avantages? Non, mais expliquez-moi, je suis pas au courant. Ça, c'est une question que je, voilà, je voudrais. Alors, c'est un autre débat, parce qu'il faut essayer d'ordonner le bien débat. Sûr, tout à fait. Voilà, mais c'est ça, c'est un vrai débat. Moi, je vais m'expliquer là-dessus. Je vais vous expliquer les avantages, vraiment. Pour revenir, donc, on attaque sur l'argent sale et il nous fait sa tournée. Donc. L'objectif est atteint, on va pouvoir l'écouter. Et encore une fois, on ne demande que ça, l'écouter. Donc on l'a écouté. Et on s'est aperçu de quoi ? Que des questions préparées, toutes les mêmes. Ça veut dire qu'il a organisé toutes ses interviews. Il donc a certaines étaient enregistrées. Ouais. Toutes les questions étaient quasiment identiques. Donc c'est-à-dire que le gars n'a voulu prendre aucun risque. Il a tout, voilà, tout encadré. Il n'y avait aucune place pour la spontanéité. C'est pas fait pour nous rassurer, ça. Bon. Ensuite, le projet. Alors, le projet, et puis on voit une semaine, 15 jours, 3 semaines après, que le projet, il évolue. C'est bizarre. Tous les points, on l'a attaqué. Là, aujourd'hui, on a des réponses. Au départ, le projet, déjà, le trading de joueurs, c'est central. Aujourd'hui, ça l'est plus. Bon. Le projet, c'est développer le merchandising. Alors, il nous explique qu'aux US, là où nous, on a 2 boutiques, ils en ont 15. D'accord. Alors, entre parenthèses, rapidement, un match d'université aux US, c'est 40 000 personnes au stade. C'est une vraie culture. Les Ricains, avec toute l'affection que j'ai pour eux, quand ils vont au stade, ils boivent 3 coca, et ils sont très sportifs, et ils vont à beaucoup de matchs, et ils dépensent de l'argent. C'est la première économie mondiale, c'est pas les plus miséreux, et ils y vont, quoi. Voilà, c'est pas, en France, c'est pas possible. On met 15 boutiques, on vendra pas plus, faut pas rêver. Et ce que disait Mathieu. Si déjà on pouvait vendre dans les commerces, qui sont aux alentours, plutôt que de vendre du Marseille et du Paris, si on pouvait commencer à vendre dans le Carrefour. Et ce que disait Mathieu tout à l'heure en disant qu'on avait fait une analyse sur l'aspect populaire, mais complètement, par rapport à cet argument-là, il y a un excellent exemple, c'est la Gantoise. La Gantoise, c'est extraordinaire. Le vendredi, les places sont tarif Coupe d'Europe classique, 15 euros en virage, et le reste des tribunes plus cher, très cher. Voilà, c'est un match de on n'est pas encore qualifié complètement pour l'Europe, c'est même pas un match de poule, et les tarifs sont assez chers. Résultat, il y a 3000 personnes qui ont pris leur place. On est le vendredi, le match est le jeudi. On appelle de temps en temps, on fait des choses comme ça. On appelle Stéphane Martin. Il m'en voudra pas de dire que c'est grâce à nous que les choses ont bougé. On appelle Stéphane Martin et on lui dit il y a 3000 places de vendues et les Belges sont déjà 1500-2000, ils sont annoncés 1500-2000. Il nous dit ah bon, bon, il est en pleine vente, voilà, il a sans doute 1000 choses à faire et il s'occupe pas particulièrement de ça. Et puis c'est aussi notre rôle de temps en temps de rappeler ces choses-là, c'est très bien. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il a immédiatement réagi et il a mis toutes les places à 5 euros. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 35 000 personnes au stade. Voilà. Et ça a été peut-être la plus belle soirée de Galice et ça a été extraordinaire. Et même au niveau de l'importance des Girondins au sein de la ville, c'est formidable parce que on a fait passer une soirée, on a donné du bonheur pendant 2 heures à 35 000 personnes. C'est pas rien dans une ville comme Bordeaux. Voilà, les gens aiment le club et s'enthousiasment. Et c'était une soirée extraordinaire. Et quand on regarde le virage était surblindé, que des jeunes. La moyenne d'âge c'est entre 20 et 25 ans. Les gens sont à 10 euros près. Si vous rajoutez 10 euros, ils viennent pas. Voilà. Donc, déjà sur la billetterie, clairement, à moins de jouer la Ligue des Champions tous les ans, on peut pas toucher au prix des places. On peut pas. Donc, sur la billetterie, ça va être statu quo. Tant qu'on jouera pas la Ligue des Champions, c'est statu quo. Après, le merchandising à l'extérieur, regardez la fanzone. Elle a jamais été aussi enthousiaste que quand on a fait la manifestation l'autre fois. Voilà, c'est quel est le potentiel développement? Encore une fois, le seul potentiel développement qu'il peut y avoir, c'est de jouer la Ligue des Champions. Et là, c'est pas 80 millions d'euros en 3-4 ans. Donc tout son projet, quand on le décortique, c'est ce qu'on a fait, parce que encore une fois, on sait pas, ça a vraiment pas été central pour nous l'argent sale. Et puis il y a eu un effet qui se coule qui est pas bon du tout, c'est que on va quelque part sur un débat qui est pas intéressant, on s'en fout de ça. Ça a permis de provoquer. C'était pour provoquer. Oui. Et puis après, c'est subjectif l'argent sale. Qu'est-ce qu'on appelle l'argent sale? Moi, je dis que l'argent qui échappe à l'impôt, c'est de l'argent sale. J'ai le droit de le dire quand même, non? Tout le monde a le droit de dire que tout le monde le fait, mais c'est pas pour ça que tout le monde le fait, que c'est acceptable. Moi, je paye beaucoup d'impôts, excusez-moi, et j'aimerais que ceux qui ont plus d'argent que moi, ben, ils en payent proportionnellement autant. Voilà, c'est tout. Bon, bref. Mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est le projet. Et le projet, excuse-moi, je finis là-dessus. Vas-y. Le projet, il tient pas la route. Et on peut pas confier notre club, ce qui nous est le plus cher, qui a une histoire incroyable, on peut pas confier notre club à quelqu'un qui est pas crédible. C'est tout. Le fond du problème, il est là. Il n'est pas crédible, il nous inspire pas confiance. Donc Taverneau, il doit revoir sa copie, point barre. Mais est-ce que Taverneau... Attends, mais on va continuer après ce débat avec Florian, donc responsable des Ultramarines. Et on accueille Pierre Rondeau. Bonsoir, monsieur Rondeau. Bonsoir. Vous êtes expert en économie du sport, professeur et chroniqueur à Slate et Eco Foot, et co-directeur de l'Observatoire Sport. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, en tant que expert, on va dire, économiste du sport, donc, quel est votre regard, vous? Est-ce que vous avez pu étudier un petit peu ce projet de rachat des Girondins de Bordeaux par GACP? Et si oui, est-ce que vous avez des éléments d'information à nous donner pour histoire qu'on y voit un petit peu plus clair ce soir? Des éléments d'information, ça se limitera à, comme vous, ce que j'ai pu apprendre dans la presse. Hein, je suis pas dans le secret des yeux. Je m'occupe pas directement des négociations entre les repreneurs et les dirigeants des Girondins de Bordeaux. Et de la même manière, comme vous avez dit, voilà, si je peux apporter une expertise sur cette question, je précise bien, parce que j'ai pu lire des commentaires à droite à gauche sur les réseaux sociaux, je pourrais apporter des éléments en parfaite objectivité. J'ai cru entendre qu'on m'avait traité de communiste ou d'affreux ultra pro-supporter. Je précise pour vos auditeurs que je reste en parfaite objectivité, oui, et que je vais essayer d'apporter en tout cas des éléments d'expertise sur le rachat du club des Girondins en ayant un regard tout à fait neutre et pas du tout politisé ou en tout cas subjectif. Mais vous faites bien de le rappeler. Ma parenthèse. D'ailleurs, je ne suis pas communiste, je précise pour certains auditeurs. Oui. Vos opinions politiques ne regardent que vous de toute façon. D'autant plus. Vous avez entièrement raison. Mais voilà, donc la question, et c'était pour ça que vous m'avez invité très gentiment d'ailleurs dans votre émission, c'était justement le pourquoi du comment. Enfin, moi, la première question que je peux me poser en tant qu'observateur du football et de son économie, c'est pourquoi des Américains vont venir investir dans le capital des Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à la fois, on peut ouvrir d'un point de vue plus large la question sur pourquoi le foot français attire, pourquoi le football attire et pourquoi il attire des investisseurs étrangers. Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut se faire de l'argent? Est-ce qu'on peut potentiellement réaliser des plus-values et de la lucrativité avec un club de football, et en l'occurrence un club de football français, et plus en détail, les Girondins de Bordeaux? C'était les questions qui allaient venir juste après, mais allez-y. Alors, si vous voulez, on peut y répondre. En tout cas, moi, simplement, la question qui, moi, m'interpelle quand on parle justement des Girondins, c'est qu'est-ce qui fait que ça attire des investisseurs, et en l'occurrence des investisseurs étrangers. À tous les niveaux, si on saute les questions, on commence tout de suite sur est-ce que ça rapporte de l'argent, est-ce qu'il y a un potentiel lucratif, et qui est ce repreneur, en l'occurrence ce fonds d'investissement américain. Voilà, beaucoup de questions qui sont posées en introduction. Tout à fait. Déjà, le premier élément, c'est de se dire que le football français, alors, de par sa mondialisation, de par sa visibilité, de par l'arrivée des premiers investisseurs étrangers que sont les Qataris au PSG, de par l'arrivée des grandes stars dans le football, que ce soit à Monaco ou au PSG, le football français prend de la valeur et en prend de plus en plus, tant à échelle nationale qu'à échelle internationale. Les Girondins, enfin les dirigeants américains qui vont arriver à Bordeaux savent très bien que d'ici 2 ans, en 2020, la Ligue 1 vaudra 1,53 milliard d'euros en termes de droits TV. Oui. Ils savent très bien que la Ligue 1 va sans cesse continuer à prendre de la valeur à échelle internationale et gagner en notoriété. Et l'idée, finalement, elle est bête économiquement, si je puis dire, c'est qu'aujourd'hui, sa valeur économique est très faible. On parle d'une vente entre 50 et 70 millions d'euros. Alors qu'aujourd'hui, un club en Italie, ou un club en Angleterre, ou un club en Espagne, c'est 200, 300, 400, voire 500 millions d'euros à la vente. En France, le PSG, Marseille, Bordeaux, peut-être Saint-Etienne plus tard, Monaco, on parle de prix qui sont à chaque fois inférieurs à 100 millions d'euros. Donc en termes de lucrativité de court terme, il y a une plus-value qui peut se dégager parce que le prix d'achat est très faible et le potentiel de lucrativité de long terme est très important, très intéressant. Donc premièrement, c'est ça finalement, c'est-à-dire que il y a un intérêt, spéculatif, d'acheter à un prix faible, comparativement à l'Europe, et de pouvoir potentiellement espérer se faire une bonification à plus ou moins long terme. Après, peut-être qu'on va rentrer dans les détails. Oui. N'hésitez pas à me couper la parole. Non, non, mais on vous écoute. Parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Ouais. Mais voilà, après, on peut aussi se poser la question de ce fonds d'investissement. Ou même, plus généralement, des fonds d'investissement qui viennent attaquer ou en tout cas investir le football. Alors, pourquoi Bordeaux, justement? Alors, Bordeaux, voilà. Pourquoi Bordeaux, par exemple? Parce que Bordeaux, déjà, c'est un club qui représente une ville. D'ailleurs, c'est amusant que ce soit les Américains qui sont intéressés. Bordeaux... Pourquoi c'est amusant? Au même titre que Paris. C'est amusant. Vraiment, pourquoi c'est la ville de Bordeaux. Oui. Et Bordeaux est exactement comme Paris, chose que n'a pas Lyon, que n'a pas Marseille, que n'a pas Saint-Etienne, que n'a pas Rennes, et que n'ont pas tous les grands clubs de France. Bordeaux et Paris sont les seuls clubs de France qui, avant même d'être des clubs de football, sont aussi une marque connue à travers le monde. Paris, c'est la capitale, c'est la Tour Eiffel. Bordeaux, c'est le vin. Et les Américains, n'importe quel Américain outre-Atlantique, ils connaissent Paris et Bordeaux, parce qu'ils connaissent le vin. Donc ils peuvent aussi espérer jouer sur une bonification économique à travers l'intensification marketing de la marque Bordeaux. Ils pourraient tout à fait faire comme les Qataris l'ont fait au Paris Saint-Germain, à réduire le nom Saint-Germain et à faire grossir le nom Paris pour afficher uniquement Paris et transformer les Girondins de Bordeaux en le FC Bordeaux, par exemple. Dire que Bordeaux, c'est le vin c'est connu, et donc on peut bonifier la marque, et donc bonifier les ventes, bonifier la base fan, bonifier les recettes marketing, bonifier les recettes merchandising, et donc le nerf de la guerre, générer des profits, puisque c'est le but, j'y reviens, oui. Le but des fonds d'investissement, c'est générer du profit, et la plupart du temps du profit à court terme. Mais comment générer du profit dans un sport comme le football en France, quand on voit, il y a qu'à reprendre tout à l'heure Monsieur Rouvert nous parlait de la DNCG, les rapports de la DNCG successifs, où quand même l'état du football français en général, c'est quand même une entreprise déficitaire. Donc comment générer justement du profit, et qui plus est à Bordeaux, qui on le voit, on le sait, notamment au niveau merchandising et au niveau recettes annexes, même billetterie, c'est pas forcément le nerf de la guerre aujourd'hui. Je crois de mémoire que 50% des recettes du club ou 60% des recettes du club, ce sont les droits télé. Donc oui, on est extrêmement dépendant là-dessus. Et d'où justement l'étonnement qu'on pourrait avoir débarqué des investisseurs à but spéculatif, à but lucratif, je dirais, à Bordeaux. Parce que quand on fait la liste, finalement, à Paris, on a des investisseurs qui viennent pour un but diplomatique, un but géopolitique, un but de soft power. Quand on a Lille, c'est à la rigueur, c'est pratiquement pareil, puisque le but n'est pas de la rentabilité de court terme, mais à Lille, c'est la création d'une marque à fort potentiel économique sur le long terme à travers la formation. Monaco, on peut aussi calqué sur ce modèle-là, le modèle de formation, donc de lucrativité de long terme. Marseille, on peut tout à fait s'attendre à ce que Franck McCourt espère dégager une plus-value sur le long terme à la revente, comme il l'a fait avec son club de baseball à Los Angeles, oui. Où il a revendu avec une très forte plus-value à plus ou moins long terme. Là, chose assez étonnante, c'est qu'on est un fonds d'investissement, donc à but lucratif de court terme, qui viennent à Bordeaux. Alors vous l'avez très bien dit, Bordeaux, quand on regarde les rapports de la DNCG, n'a jamais, depuis 5 ans, dégagé une plus-value. Oui. Jamais. Hors donc, mutation. Voilà. Donc c'est assez étonnant de se dire que qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils ont des connaissances que nous, Français, n'avons pas? Est-ce qu'ils ont des manières de faire que nous, Français, n'avons pas? Est-ce qu'ils ont des choses à apporter que nous, Français, n'avons pas pour qu'ils soient capables, dès l'instant T, de générer du profit? On peut se poser la question. Au niveau merchandising, au niveau promotion de la marque, au niveau... Parce qu'on croit qu'on va faire du profit au niveau du merchandising à Bordeaux qu'en restant à Bordeaux. Peut-être que si cette marque voyageait plus, elle dégagerait plus de ressources financières. Après, bien sûr. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis ils aiment beaucoup le sport, du moins le football, et qu'ils seraient prêts à consommer Girondins de Bordeaux. Mais on fait quand même figure à Bordeaux de très mauvais élèves pour l'animation d'une fan zone, pour le merchandising, pour arriver à vendre la marque. Enfin, on est quand même très mauvais et un club très amateur pour beaucoup de choses à Bordeaux. Donc, on peut se dire qu'il y a d'énormes progrès à faire et que c'est des progrès qui peuvent être faits. Bah, j'imagine que le potentiel, encore une fois, je le répète, je me mets à la place des investisseurs, s'ils ont plusieurs centaines de millions d'euros à injecter sur X années, c'est qu'ils ont forcément réfléchi en amont au potentiel, et qu'ils doivent se dire qu'il y a forcément, un potentiel sur les Girondins. Je serais très étonné de voir débarquer un investisseur qui n'a aucune stratégie et qui arrive à la va-vite sans aucune réflexion et qui dépense de l'argent. Forcément, ils ont réfléchi, forcément, ils ont fait une étude de marché, forcément, ils ont dû repérer qu'il y a des lacunes quelque part et qu'ils pourraient espérer intensifier, bonifier ou en tout cas corriger des erreurs de gestion pour être capable de générer du profit. Parce qu'encore une fois, je le répète, dès lors qu'on parle d'un fonds d'investissement, on est dans un comportement parfaitement rationnel. On n'est pas dans le cadre du foot et de sa glorieuse incertitude. On est vraiment là pour dire, dorénavant, il faut gagner de l'argent, point final. On n'est pas là pour la beauté du sport, on n'est pas là pour le côté supporter, pour le côté ferveur. On ne sait pas un milliardaire qui a racheté un club de foot pour s'amuser comme on l'a pu l'avoir à Chelsea. On est vraiment là dans le cadre d'un investisseur qui vient pour et avant tout générer du profit. Donc bien évidemment, il a dû repérer ses lacunes quelque part, si elles existent, et il a dû se dire, nous on va apporter notre savoir-faire américain et on va être capable de pouvoir corriger ces erreurs et de générer, je le répète, du profit dès la fin de la saison. C'est en tout cas leur objectif. Et je le répète, s'ils sont capables de mettre plusieurs millions d'euros sur la table, c'est que forcément, ils ont réfléchi à la question et ils vont faire les choses bien. Je l'imagine, je me mets à leur place. Encore, après, je peux me tromper, ça pourrait créer un flop. On l'a eu, le flop avec. C'est encore là très particulier. C'est très particulier parce que c'est le football. Le football n'est pas une économie à part entière. Le football n'est pas une économie normale. On a beau mettre plusieurs millions d'euros sur la table, derrière on peut perdre les matchs. Et si on perd les matchs, on n'a pas de fans, on n'a pas de spectacle, on n'a pas de qualification en Coupe d'Europe, on n'a pas de recettes financières. Donc, ils ont, je pense, réfléchi à toutes ces questions pour espérer gagner de l'argent, mais le projet, en fait, est très fragile, si je puis dire. Alors, Florian Brunet, donc un des leaders des Ultramarines, a une question pour vous. Non, j'avais pas une question. Je voulais juste réagir par rapport à ce qui est dit là. C'est que nous, c'est ça fondamentalement qui nous dérange. La vocation des Girondins de Bordeaux, c'est pas d'enrichir des actionnaires. C'est pas une entreprise comme une autre. Si on arrive à faire 10 ou 20 milliards d'euros, milliards. Oula. Lapsus malheureusement pas du tout révélateur. Mais si on arrive à faire 10 millions ou 20 millions d'euros de bénéfices. Parce que les droits télé ont explosé, parce que la France attire, etc. Ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, cet argent doit rester à l'intérieur du club. Il doit servir à faire avancer l'équipe. Bien sûr, parce que on vient dans le foot pour deux raisons, pour nous, pour la passion et pour l'image, et pour rien d'autre. Pas pour s'enrichir. Et c'est ça qui fondamentalement nous dérange. Si demain on fait 10 ou 20 millions d'euros de bénéfices aux Girondins de Bordeaux, c'est certainement pas pour rémunérer des actionnaires. Par le biais de... Voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est certainement pas pour ça. En fait, ce qui se passe, et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pu me critiquer en disant que j'étais un anti-fonds d'investissement, mais en tout cas, bref, de toute façon, l'idée, c'est que, voilà, ce que je vais reprocher, moi, dans ma conception et ma considération théorique, c'est il y a deux choses dans les fonds d'investissement qui viennent investir dans les clubs, que ce soit à Bordeaux, mais j'ai eu très récemment des questions pour le cas du Milan AC, donc c'était les mêmes problématiques avec ce fonds d'investissement à but lucratif. Le premier élément, c'est que, comme tu l'as dit, si la seule finalité, c'est le côté économique, bah le dirigeant, si par exemple ça tourne bien sportivement, si Bordeaux parvient à gagner des matchs, à se qualifier en Coupe d'Europe, avec des joueurs, avec ses joueurs, le dirigeant, l'actionnaire, il va pas dire « Ah, c'est cool, on continue ». L'actionnaire, il va dire « Moi, je veux maintenant gagner de l'argent. Et je constate que mes joueurs ont gagné en valeur, ben, je les revends avec une plus-value. Exactement comme une action qui a pris de la valeur, je l'ai achetée à 20 millions, je la revends à 40. Je double mon investissement. On pourrait tout à fait voir la même chose, où Bordeaux, si Bordeaux tourne bien la saison prochaine, l'actionnaire impose la revente, donc déstabilise toute la pérennité sportive, stabilise toute la direction sportive, stabilise toute la stabilité sportive, enfin déstabilise, pardon, la stabilité sportive, je fais beaucoup de répétitions, et ce qui serait inquiétant à plus ou moins long terme pour le côté sportif. Parce que si année après année, on impose des reventes pour gagner de l'argent, au bout de X années, on n'a plus de joueurs, on n'a plus de bons joueurs et on perd ses matchs. Et là, tout s'écroule. Ça, c'est le premier élément qui, moi, me fait critiquer. Oui, puis avec toujours la sanction des NCG possible tous les ans. Si on regarde Lille, ils ont l'accord de la DNCG au départ. Après, ils sont relégués en novembre, je crois. Oui, ils ont un avis défavorable. Voilà, novembre, ils sont relégués temporairement jusqu'à qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est ça aussi, nous, qui nous inquiète fortement. C'est que nous, on est très attachés à notre club en Ligue 1. Mais est-ce que les gens qui vont détenir les Girondins le seront autant? Ça, on n'en est pas sûr. Et la sanction peut arriver d'une manière très forte, très violente. Et on n'a pas de totem d'immunité aux Girondins. On n'est pas dans le monde des bisounours. Enfin, aujourd'hui, est-ce que réellement on peut penser qu'une personne va investir dans le football sans but d'au moins récupérer sa mise de départ? Bah oui, on l'a avec les investisseurs type Qatari, type Emirati, type Russe qui viennent d'abord. Ça perd 400 millions d'euros. Alors, je la pose différemment. Est-ce que même si ce ne vend, qui veut absolument se débarrasser des joueurs de Bordeaux, vendrait pas le club beaucoup plus cher que ce qu'il vaut réellement? Il récupère la dette. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Ils ont mis dans les comptes du club 65 millions d'euros qui correspond à ce qu'ils ont mis sur la table depuis 7 ou 8 ans. La période de post-Ligue des Champions dont on a mis des années à se remettre. C'est de leur faute. Non, mais c'est de leur faute. C'est de leur faute, bien sûr, puisque tout est de leur faute, c'est les patrons. Ce qui s'est passé, on le sait tous, on a fait des contrats longue durée. La Ligue des Champions, c'est très vicieux, il faut l'enchaîner. Si tu l'enchaînes pas, tu te retrouves avec des contrats très hauts et très chers et très longs. C'est ce qui s'est passé au Girondins de Bordeaux. On a eu un train de vie Ligue des Champions jusqu'en 2014-2015 et aujourd'hui on a encore un train de vie d'Européens tous les ans. La moyenne de salaire des joueurs de Bordeaux est forte. Voilà, et ça fait partie de notre attractivité. Bah, si je peux me permettre là-dessus, on vous écoute. Et là-dessus, ça faisait partie de mon deuxième point et je rejoins parfaitement cet argument sur le train de vie. C'est encore une fois, je le répète, par rapport au fonds d'investissement. Parce que en gros, il y aurait un bien, ce que j'appelle un bien informationnel. Si le fonds d'investissement annonce, avant même d'avoir commencé, annonce que le but c'est de faire du profit, que tous les ans le club fera du profit, que vont se dire les joueurs? Que vont se dire que va se dire la concurrence? On va tous se dire que les Girondins sont un club riche. Donc les joueurs vont exiger une revalorisation salariale et les clubs adversaires vont exiger à la vente ou à l'achat de joueurs des sommes mirobolantes. Et puis c'est une faute de com' évidente. Je veux dire, oui, bien sûr. Voilà, donc quand on fait des fautes de com', on peut faire des fautes ailleurs. Globalement, dans le football, dire qu'on gagne de l'argent est une grave erreur. C'est un peu le syndrome PSG ou en tout cas nouveau riche. Dès lors qu'on apparaît comme étant un riche, tous les adversaires vont dire « Ok, soit, dans ces cas-là, je te vends mes joueurs ». Mais largement au-dessus du prix du marché. Et puis, et juste pour finir ce que tu disais, il y a 65 millions qui ont été investis par M6 pour combler le trou et pour faire face à l'examen des NCG tous les ans depuis 7 ou 8 ans. Ces 65 millions, ils apparaissaient dans le bilan. C'est ça qu'a fait reprendre M6 par GACP. Ensuite, les 40 millions de Malcolm ont servi à faire le recrutement cette année, à combler le déficit et à avoir une trésorerie. Aujourd'hui, le club est à plus 20 millions en trésorerie et c'est la vente de Malcolm. Le deal, c'était simplement récupérer les dettes de 65 millions d'euros. M6 veut simplement récupérer le fric qu'ils mettent depuis 7 ou 8 ans. Oui, mais le problème, la vente, c'est ça. Il faut bien comprendre. C'est là où je suis pas d'accord que c'est pas possible de la part d'M6 de fonctionner comme ça. Ah, je suis entièrement d'accord. Non, mais attends, si vous voulez qu'on tape sur M6, on peut y aller. Non, mais c'est pas ça. Il n'y a aucun problème. Moi, je vous fais une demi-heure sur M6, il n'y a aucun souci. On la fera après. C'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que. Non, parce que soi-disant, on est des pro M6, machin, nanana, tout ce que je lis depuis tout à l'heure, enfin, c'est hallucinant, tout ce qu'on lit tous les jours. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà. M6, c'est scandaleux ce qui se passe. Et on l'a toujours dit, vous nous connaissez. Nous, on a toujours mis la pression sur M6. Hein, on n'a jamais été des amoureux BA d'M6. Mais au moins, on a eu moins de fautes de com' de M6 en 20 ans. Que d'Agrossa en 3 semaines. Florian, on va y revenir. Juste finir avec Pierre Rondeau. Tout à l'heure, je. Mais on va taper sur quand un petit bordelais. Oui, mais aujourd'hui, des gens qui vont acheter dans le football sans récupérer leur mise, moi aujourd'hui, je n'y crois pas trop, j'ai pas envie d'y croire. La preuve, c'est que M6, qui ont fait des erreurs, enfin, moi je pars du principe que quand tu fais des erreurs, que tu as un déficit la première année et que tu mets de l'argent pour combler un déficit, c'est de l'argent que t'as perdu. C'est pas de l'argent que tu peux espérer récupérer. Ça fait 8 ans qu'ils nous font pleurer tous les ans. On a Pierre Rondeau au téléphone. Il y avait Adrien qui avait une question aussi. C'est la question. Et après on va arrêter. Justement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que Bordeaux, vu ce qui est demandé par M6, va pouvoir trouver un investisseur qui a juste envie de claquer du pognon? J'ai l'impression qu'il faudrait ça en fait. Ah, c'est à moi qu'on pose la question? Oui, c'est à vous. Est-ce que, vraiment, je le répète, hein, je sais pas, je ne mets même pas à la place du, du, du repreneur ou du futur repreneur ou du futur investisseur. Toutes ces questions ont été posées et on a tous, j'ai le sentiment d'avoir tous la même réponse, du soupçon, en tout cas de l'étonnement qu'il y a à avoir d'un fonds qui viendrait à Bordeaux pour espérer gagner de l'argent, pour espérer faire du profit. Forcément, on se pose la question, est-ce qu'il existerait aujourd'hui un investisseur qui ne viendrait pas pour ça? Oui, il y en a, qui existent, je répète, hein, les Qataris, les Émiratis, les Russes, qui viennent pour un objectif autre que lucratif. Les Pinot aussi, Rennes. Il n'y en a pas aujourd'hui à Bordeaux. Et aujourd'hui, il reste des profils d'investisseurs, forcément à but spéculatif. Alors, toute la question porte sur la spéculation, en tout cas la lucrativité de court terme ou de long terme. Il aurait été préférable, à mon sens, uniquement à hauteur de la communication, même si dans les faits c'était pas le cas, mais uniquement au niveau de la communication, de ne pas annoncer dès le début qu'on vient pour de l'argent. Franck McCourt à Marseille, alors que tout le monde sait très bien qu'il vient pour se faire de l'argent et qu'il va très certainement s'en faire d'ici 5 ans quand il va revendre le club, il l'a pas annoncé. Lui, il a dit « je viens pour investir, je viens pour injecter de l'argent ». Et d'ailleurs, il l'a montré, il a pris des joueurs, il a mis de l'argent. À Bordeaux, c'est pas ce qu'on a pour l'instant. À Bordeaux, on a plus le sentiment que c'est M6 qui revend la va-vite pour se débarrasser de ses dettes, et nos investisseurs américains qui sont là en mode on espère gagner de l'argent. Sans rien investir. On espère gagner de l'argent sans rien investir. Exactement. Comment aujourd'hui, dans le football professionnel, c'est un peu le triptyque, en tout cas cette douce communication qu'il peut avoir entre investissement économique, résultats sportifs, résultats économiques. Et les résultats économiques permettent des investissements sportifs comme un cercle vertueux, résultats sportifs, résultats économiques, investissements sportifs. Et sans, au préalable, des investissements économiques très importants, très soutenables, très pérennes et très logiques, c'est très difficile de gagner sportivement. Très difficile. Oui, ça peut arriver. Oui, il peut avoir des cas de clubs qui sans rien ont gagné. Oui, on a eu Montpellier en France, soit. Et alors, sur la durée, ils sont où, Montpellier aujourd'hui? Oui, parce que Montpellier a vécu ce qu'on a vécu aussi, c'est que derrière, il faut assurer. Tous ceux qui atteignent la Ligue des Champions, tous ceux qui atteignent la Ligue des Champions un ou deux ans, c'est très vicieux. Mmh. Exactement. Et ça peut vous emmener aussi tout droit en Ligue 2. Hein. Auxerre, par exemple. Il faut s'y installer en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, il y a trois places, hein, si je ne m'abuse. Hein. Oui. Bon, Paris. Bonjour. À moins effectivement d'avoir les Émirats qui concurrencent Paris, on n'y arrivera pas. Monaco, c'est quand même assez lourd ce qu'il y a derrière. Lyon est sacrément en avance et là on n'a pas affaire à une fortune ni des Émirats ou ni de la Russie. C'est un industriel français qui a très très bien travaillé. Et Marseille a deux fois notre budget. Et pour concurrencer ces gens-là, ça va être très compliqué. Et déjà rien que pour ces quatre. Il y en a déjà un qui la joue pas à la Ligue des Champions. Donc il faut être réaliste. Hein. À moins d'avoir un énorme investissement pour jouer à la Ligue des Champions, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est clair qu'à ce niveau-là, je vous rejoins, c'est clair que l'investisseur aurait dû annoncer, avant de répéter lucrativité, aurait dû annoncer des investissements, aurait dû dire je viens, même le dire, hein, pas forcément le faire, mais au moins le dire pour assurer, les actionnaires, pour assurer les fans, pour assurer d'autres personnes, dire je viens et je vais mettre 100 millions d'euros sur la table pour les transferts. Oui, mais après on aurait eu aussi le retour de bâton si jamais ça ne s'était pas fait derrière. Oui, non, bien sûr, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on se pose la question du pourquoi, du comment, et de la très grande difficulté qu'ils vont avoir de pouvoir tenir sur la durée. Bien sûr. On vous remercie, monsieur Rondeau. Merci à vous. Pour nous avoir accordé de votre temps. Donc, on rappelle que vous êtes expert en économie du sport, chroniqueur à Slate FR et EcoFoot. Donc, on encourage nos auditeurs à aller découvrir vos articles et vos travaux sur ces sites-là. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Très bonne soirée. Très bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Donc on continue. Pour tous ceux qui veulent intervenir et réagir à l'émission Radio Libre, donc vous pouvez appeler 05 56 35 31 31. Donc on vous invite à nous appeler, à être voilà. Et puis Enzo, moi c'est juste, je voulais revenir sur quelque chose. Donc déjà, moi je remercie les deux invités qu'on a eu et aussi Flo d'être présent aussi ce soir. Quelque chose qu'il faut bien rappeler, c'est ce que tu disais Flo tout à l'heure. C'est pas parce que les gens sont anti-GACP qui sont pro M6. Ça, c'est un truc que les gens. C'est bien mal nous connaître que de dire ça. Mais clairement, clairement, parce que les gens qui disent ça, ils ont pas regardé le virage sur les 20 dernières années. Ils sont complètement fous. Souvenez-vous déjà cette guerre qu'il y a eu au début des années 2000 et qui a participé à nous amener aussi en Ligue des Champions, qui a participé à la prise de conscience, qui nous amène au titre, etc. Mmh. Voilà, on a une petite part là-dedans. Et sur les 8 dernières années, tous les ans, on a rencontré Taverneau, tous les ans, on a eu des entretiens houleux avec la direction des clubs. Combien de fois on a été ouaillant, combien de fois on a demandé des comptes, et je peux vous dire que, également avec Taverneau, combien de fois on l'a secoué, combien de banderoles il y a eu pour mettre la pression et pour demander de l'ambition à M6. Mais à côté de ça, on peut pas leur enlever qu'ils ont toujours assumé leurs responsabilités. Et on peut pas leur enlever que sur les 20 dernières années, il y a peu de clubs français qui peuvent prétendre un tel palmarès. Donc, pour être crédible, faut pas être de mauvaise foi. Je veux dire, mais c'est pas pour ça qu'on est des pro M6. Et cette fin est là, par contre, très, très, très problématique, parce que là, par contre, ils sont en train de louper carrément leur sortie. Et si, quelque part, on a toujours salué leur prise des responsabilités, là, on a l'impression qu'ils prennent plus leurs responsabilités et qu'ils sont en train de se débarrasser des Girondins d'une manière bien peu loyale, contraire à tout ce qu'ils nous disent depuis des années. Et je trouve qu'on est bien gentil avec M6, ce que je disais à Nicolas Florian cet après-midi au débat de dimanche là sur France 3, qui est très intéressant, que je vous conseille d'ailleurs. Oui. Nicolas Florian qui a débattu là-dessus cet après-midi d'une manière très intéressante et qui était très très flatteur vis-à-vis d'M6. Je disais, on est trop gentil avec M6. Alors ils ont pas eu la Coupe du Monde, je crois, M6, mais non. Aujourd'hui ils ont les droits télé de l'équipe de France. Oui. Je pense qu'on y est un petit peu pour quelque chose. M6, ils ont mis les pieds dans le football grâce aux Girondins de Bordeaux. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Ça fait 8 ans qui pleurent dans les chaumières en nous disant on a mis 10 millions, on a mis 20 millions. Effectivement, ben là, ils cherchent à les récupérer. Donc, ça change un petit peu la difficulté de ce qu'il y a eu sur les 8 dernières années, puisque finalement, les 8 dernières années, ils n'auront rien perdu. On a vu l'action M6 prendre 10%. Et puis, je suis désolé, hein, celui qui nous dit qu'aujourd'hui, le projet d'Agrossa est rassurant, enfin, soit c'est quelqu'un qui n'aime pas les Girondins, soit c'est un optimiste béat, soit c'est un fou, enfin, je sais pas. C'est pas possible. Voilà, ou un anti M6, mais ça c'est pas bien ce qui est en train d'être fait, parce que ça saute aux yeux que c'est risqué. Voilà. Et on peut, je veux dire, M6, on a été les chercher, c'est Jean-Louis Triaud qui a été les chercher, qui a convaincu Taverneau. Eh bien, à Taverneau maintenant, d'aller voir un Xavier Niel, par exemple, ou je ne sais qui, une grande fortune, et le convaincre de venir par passion, par intérêt, parce que c'est un beau club, les Girondins de Bordeaux, c'est un monument, c'est une belle ville, c'est une belle région, c'est un beau public, c'est un beau virage, c'est une belle histoire. Mais il faut aller vendre ça, et il faut pas le vendre à quelqu'un qui va nous vendre un projet de gagner de l'argent et de redistribuer ça à des actionnaires. Non, il faut le vendre à quelqu'un qui va faire avancer le club, voilà, et qui va investir, quitte à perdre de l'argent aussi. Là, je disais tout à l'heure, qui viendrait pour gagner de l'argent, mais on vient pas pour gagner de l'argent dans le football. Qui le fait? Abrahimovic a été champion d'Europe. Ça fait 20 ans qu'il perd des ronds. Et là, effectivement, il en a marre. Dreyfus a perdu 400 millions d'euros. Qui a gagné de l'argent dans le football? Personne. Bon, faut arrêter de dire n'importe quoi. On accueille Aurélien. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ben on t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais, sur quoi tu voulais réagir ce soir? Mais moi, un peu surtout pour enfin, Juppé qui se réveille depuis des semaines, que ce soit les ultras, que ce soit vous aussi, par l'intermédiaire de votre émission, etc., qu'on a dit attention, le financement n'est pas stable, etc. On voit quand même que malgré ça, la DNCG, à part le fait que les Américains sont un peu trop optimistes sur le fait de gagner de l'argent, la DNCG donne son feu vert, ce qui est quand même encore incroyable. À croire qu'ils ont Non, c'est pas incroyable, c'est la vente de Malcolm, c'est tout à fait logique que la DNCG donne son accord. Il y a de la trésorerie, il y a de l'argent. À croire que l'exemple de Lille, ça leur a pas suffi. Non, mais c'est du court terme, la DNCG. C'est tous les ans, c'est du court terme. C'est sur un an. Après, il n'y a pas de vision sur 10 ans. Ils jugent l'instant T. Oui. Ils ont donné leur avis sur le projet en général. Ils ont été plutôt courtois, hein. Un petit peu optimistes, ce qu'ils ont dit. Bon, ça suffit pour alerter tout le monde quand même. Mais sinon, ils regardent le court terme. Aujourd'hui, au Girondins de Bordeaux, la situation est saine. L'argent de Malcolm a largement servi à assainir les finances. Et aujourd'hui, on est environ à plus 20 en trésorerie. Tout à fait. Aurélien? Oui, non, mais le problème, c'est que voilà, c'est que le projet des Américains qui est sur à peu près 4-5 ans, à peu près, quand tu vois, je crois que c'était Sud-Ouest qui a sorti, ou France Football, je sais plus, qui a sorti un peu les prévisions, etc., avec les nouveaux droits TV, etc., oui. C'est pas non plus rassurant. Ils veulent faire des coupes budgétaires dans tout. Et voilà, on va se retrouver avec finalement plus d'équipes si cela se fait. Et j'espère, et en tout cas grâce aux ultras, etc., que cela ne se fera pas. On va se retrouver avec un club moribond où il suffit qu'on n'ait pas les résultats qu'espéraient les Américains, imaginons, hein, ils reprennent l'équipe et ça marche pas du tout, on est 15e, proche de la Ligue 2 ou n'importe quoi, on gagne pas d'argent, donc ils vont devoir quoi, vendre Malcolm, qui est le joueur qui vaut sûrement le plus cher de l'équipe, Camano. Et ensuite tu fais quoi, eux ils veulent pas investir. Donc, pour ensuite payer, sachant qu'en plus, ils auraient, je crois, une dette de 95 millions d'euros. Oui, c'est l'investissement de Dagrossa. Voilà. Dagrossa fait quand même 6, en fait. L'argent qu'il met, il le met dans un coin pour un jour le récupérer. Voilà. Donc, comment tu fais? La dette, tu peux pas la payer. Donc, c'est les banques, enfin, les espèces de banques vautours qui leur ont prêté, qui vont dire, attendez, c'est très simple, vous avez pas l'argent, vous pouvez pas m'embourser. C'est le club qui nous appartient. Oui. Donc, après, on va vendre Et puis, il faut te dire le standing. C'est-à-dire que là, il veut faire des coupes budgétaires au niveau des salaires, mais ça va pas être sur les salariés parce que c'est peanuts, hein. Ça va être sur les joueurs. Sur les joueurs, les plus gros. Donc, à partir de là, on va être moins compétitif, attractif, et ça va être très dur, ne serait-ce que de viser l'Europa League. Et après, c'est un effet boule de neige. Mais après, l'interrogation sur le projet GACP, c'est notamment dans une interview de Yahoo qu'il avait dit que Bordeaux était une partie du projet de GACP. Oui. Et c'est, le problème, c'est de ne pas avoir la suite. Mais ça aurait été un discours beaucoup plus entendable. Mmh. S'il était arrivé en nous disant moi, je vais investir dans le sport, c'est un fort potentiel, etc. Et comme l'a fait M6, parce que c'est ce qu'a fait M6. Mmh. M6 s'est servi des Girondins de Bordeaux pour s'introduire dans le football. Si Dagrossa nous avait vendu ce projet sans nous vendre du rêve, ça aurait déjà été beaucoup plus crédible. Voilà, mais ce qui est. Qu'on peut pas entendre, c'est quelque chose qui est totalement contre notre philosophie et ça c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut se battre. La vocation des Girondins de Bordeaux n'est pas d'enrichir des actionnaires. Voilà, ça doit être central dans notre philosophie. Notre club, il a, pour retrouver son prestige, il va falloir investir des centaines de millions d'euros. Donc avant qu'on puisse redistribuer aux actionnaires, nous, le peuple bordelais, on estime qu'on doit retrouver notre rang d'abord. Voilà, c'est-à-dire la Ligue des Champions tous les ans ou au moins l'Europe tous les ans, pour tenir ça va être compliqué. Ça sera distribué à des actionnaires, non mais c'est du doux rêve, ça. Il faut déjà tenir ça. Ça sera déjà bien compliqué. On va passer d'un club de football à une entreprise, clairement. Après, c'est ça le souci, c'est qu'il n'est pas développé et la réunion qu'il va avoir le 11 octobre va être importante sur ce point. Mais le développement, c'est les résultats sportifs. Oui, il y a mais rien d'autre qui entraîne le développement. Je veux dire développer sur le projet GACP et sur la place de Bordeaux dessus. On vient de vous expliquer que le sportif est pas central. On va développer le club d'une autre manière. Expliquez-moi comment on développe un club de foot sans le sportif. Expliquez-moi. C'est ça. La seule chose qui a fait qu'on a fait 28 000 spectateurs de moyenne au stade, c'est d'être champion de France. 28 000. C'est même pas 35, c'est 28. Mmh. Voilà. La seule chose qui fera vendre des maillots à travers Bordeaux, la France et l'Europe et le monde, c'est que Bordeaux soit en Ligue des Champions. Voilà, c'est la seule chose. Et on vient nous expliquer, non, on peut le faire différemment. Ah bon, comment? C'est comme ça que ça marche, en tout cas, dans tous les grands clubs en Europe et tout, c'est comme ça que ça marche. C'est le projet sportif qui est mis en avant, que ce soit même à City, etc. et tout. Et eux viennent, alors que c'est pas du tout leur sport, etc., et disent, nous, on va faire comme ça, ça va marcher, on va gagner de l'argent. Les autres, c'est des cons, mais nous, on a tout compris. Que ça soit pas un sport, en gros, ça reste un sport. Mais moi, ce qui me dérange énormément, c'est que, et au-delà de la communication avec les erreurs du style, oui, on vise à être champion à la place de Paris en injectant 90 millions d'euros, c'est surtout que c'est des espèces de journalistes bénés, oui, qui ont jamais réagi. Tous. Jamais. Tous, on a l'impression que c'est des... À chaque fois que Dagrossa a fait une interview à RMC, Téléfoot, Yahoo, à chaque fois, il a dit quelque chose de différent. Au début, il a commencé par dire... Ah non, moi, j'ai tout entendu, il a par dire, bonjour l'Europe. Non, c'était pareil, c'est maintenant que c'est différent. Mais tu sais quoi, moi, pour rien vous cacher, on les a contactés quand on a vu une certaine personne retweeter tout ce que disait Dagrossa. On a un peu compris que c'était elle qui organisait les interviews d'Dagrossa Bordeaux, on l'a contactée. La réponse qu'on a eue, c'est « OK pour mi-octobre ». Donc pour mi-octobre, après donc j'ai en gros on a un engagement écrit. Donc moi j'ai aucun souci, si jamais ils tiennent pas leur promesse, ça sera leur problème. Comme quoi on doit recevoir Monsieur Dagrossa. Il est hors de question que les questions soient envoyées à l'avance. On le fait jamais. Pour n'importe qui, on l'a jamais fait. Il est hors de question qu'on le fasse. Mais là, à chaque fois qu'il a fait une interview, et on a vu que les questions à chaque fois étaient exactement quasiment les mêmes. Il n'y a eu aucune attaque. Ils n'ont jamais été en profondeur. Le mec, à chaque fois qu'il voit une radio et tout, il dit un truc différent. Il dit au début, oh, on va jouer l'Europe, l'Europa League. Après, il dit, non, finalement, tous les deux ans, on va jouer avec des champions. Et à la fin, à Téléfoot, il dit, mais non, mais moi, je viens, c'est pour battre Paris, c'est pour être champion de France. Mais comment tu veux être champion de France si tu ne mets aucun oseille, sachant que Paris, ils ont crédit illimité par les Qataris, c'est impossible. Bien à sûr. Part si tu es saoudien ou une autre famille du Qatar qui a envie de s'amuser, qui veut racheter le club, qui veut jouer contre son cousin, ce n'est pas possible. Donc c'est juste incroyable de dire ça. On a l'impression qu'M6 a quand même refusé des projets plus sérieux que Dagrossa. Hein. Et que là, ils nous balancent le projet qu'ils ont sous la main. Mais McCourt, c'est le plus sérieux. Non, mais il voulait trop d'argent. Il faut comprendre que M6 doit rendre des comptes aussi à ses actionnaires. Surtout de Taverneau. C'est-à-dire le groupe RTL qui est luxembourgeois. C'est les Allemands qui ont demandé, enfin, je crois que j'avais vu ça, qui ont demandé à M6 de vendre les Girondins, que c'était un gouffre financier. Il faut savoir que de Taverneau va partir à la retraite et qu'à part de Taverneau, il n'y a personne qui aime les Girondins. Qui est attaché au Girondins. Ce qui fait mal, c'est que l'achat des droits de l'équipe de France et le prix des Girondins. Le budget de M6 sur les Girondins, c'est minime par rapport à ça. C'est le problème d'avoir une obligation de vendre rapidement avant la fin du mandat de Taverneau. Qui est 2020. Alors qu'M6 n'a aucun problème d'argent, la chaîne se porte très bien. Oui, non, mais c'est... Ils n'ont aucun problème d'argent, quoi. De Taverneau est obligé de vendre parce que c'est une entreprise. Les Allemands, je crois que c'est ceux qui sont dans le groupe M6, je crois que c'est eux qui veulent absolument qu'M6 se revende le club. Aurélien, on te remercie, Aurélien. Merci à notre auditeur. Merci à vous, une superbe émission comme d'habitude. Et puis, courage aux Ultras qui continuent de tourner avec eux. Merci. Merci Aurélien, merci à toi. Bonne soirée. Et entre parenthèses, il y a Eric Dagran qui nous écoute pendant qu'il est en train d'être speaker à la Ryder Cup. Voilà, qui écoute Gironde Analyse. Lui, il mange à tous les râteliers. Enfin, si un sport est un râtelier, lui, il est à tous les râteliers. Je lui ai dit de faire d'écouter avec Tiger Woods. La Ryder Cup, c'est génial pour lui. C'est énorme. Hein. C'est vraiment un événement énorme. C'est l'événement. C'est l'événement. Et peut-être que Tiger connaît Joe. Oui, voilà. Et comme je n'ai strictement aucune mémoire, je me souviens déjà plus du nom de notre auditeur que nous avons à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Ulysse. Voilà, Ulysse. D'accord, on a un nom plus simple, tu peux t'appeler Jean, Thomas. Non, pas de débat sur les prénoms. Et n'hésitez pas à faire comme Ulysse, il réagissait sur Twitter, lui a dit d'appeler, mais voilà, il a appelé, donc n'hésitez pas à faire comme lui. Alors Ulysse, on t'écoute, voilà. Quel est ton avis sur le débat qui nous occupe? Alors, juste pour info, Monaco perd 2-0 contre ça. On s'en fout de ça. Et deux buts de Kadri, deux buts magnifiques. Hein. Voilà, il n'y a que ça qui nous intéresse alors. C'est la seule chose qui nous intéresse. Quel est ton avis, cher Ulysse? Nous t'écoutons. Moi, tout simplement, j'appelais pour dire que j'avais eu de nombreux échanges avec de nombreuses personnes sur Twitter, notamment avec Florian, où je ne suis pas spécialement contre anti-M6, contre GACP. Aujourd'hui, je me demandais tout simplement si un club de foot n'avait pas vocation à devenir une entreprise. Quand on voit tous les grands clubs de foot, que ce soit le Barça ou le Real, mais le Barça est surendetté. Plus ou moins. Le Barça est surendetté. Le Real également. Et le Real également, bien sûr. Real et le Barça, c'est deux exemples. Les deux clubs sont surendettés. C'est ça, et pourtant on parle de socios, on parle de clubs qui appartiennent aux supporters, plus ou moins, mais à côté de ça, est-ce qu'on ne devrait pas raisonner en termes d'entreprise maintenant? Est-ce que cette vision du football... Il faut voir la masse salariale, il faut voir la masse salariale incroyable. Tu prends l'effectif du Barça et du Real, tu fais la masse salariale annuelle, mais c'est quelque chose de faramineux, de totalement faramineux. Gagner de l'argent dans ces conditions, c'est extrêmement compliqué. Et ils n'en gagnent pas, hein. Je suis désolé. Oui, non, après, c'est pas comparable. T'as le Barça qui est, c'est économiquement, c'est monstrueux. Ils ont des maillots. De 11 millions d'euros, il nous dit. Le Barça, 11 millions d'euros. Après, il faut regarder si c'est bénéfice net sur le total ou pas. Parce que, après, c'est clair qu'au niveau des maillots, au niveau de tout ça. Ça, 11 millions d'euros. Quoi. Ouais, ouais. Mais à l'heure actuelle, à mon avis, les clubs qui appartiennent aux passionnés, est-ce qu'il en existe vraiment, et est-ce que ces clubs performent, dans leur championnat? Alors il y a São Paulo, il me semble, en Allemagne. T'as Chelsea, qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a City, c'est qui est derrière City? C'est Emirates. Liverpool aussi, il me semble. Tous les clubs anglais, de toute façon, ils ont des. À part Arsenal, qui a des propriétaires américains. Mais Liverpool, c'est pas les Américains aussi? C'est des Américains, il me semble. Oui. Il y a beaucoup de clubs dans ce cas-là. Mais enfin, en tout cas, les clubs qui font du profit. C'est un Américain, mais c'est un nom propre. C'est pas un fonds d'investissement. Ouais. Après, McCourt, je pense pas qu'il soit venu gagner de l'argent. Je pense pas que ça soit ça dans sa tête. Pinot, tout à l'heure, je disais des critiques sur Pinot qui disaient qu'il investissait rien. Il avance pas à pas et c'est pas non plus totalement stupide. Faut voir à la fin. Mais. Maintient Rennes en Ligue 1 en tout cas. Mais Pinot, avant Pinot, il faut savoir que Rennes était se baladait, faisait le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais ce qui inquiète en fait vraiment, c'est le passage d'une entreprise qui était, mais c'était une sécurité au niveau du budget tout ça, à un fonds d'investissement, et c'est ça qui inquiète vraiment. Bien sûr. Et Lille, c'était une fortune personnelle qui était avec Cédou, mais a le même problème. C'est Gérard Lopez. Donc c'est des projets dangereux, mais je ne sais pas si Lille, au niveau des gens qu'il y a derrière, c'est-à-dire les banques et tout ça, c'est du même niveau que Lopez est en train d'incarner un projet, c'est-à-dire qu'il est en train de dépasser ça. À la limite, il n'y a aucun fonds propre. Chacun se finance après tout comme on veut. On n'est pas fondamentalement contre un financement par un fonds d'investissement, mais c'est surtout la personne qui porte le projet. Lopez, il a l'air de faire quand même malgré tout son bonhomme de chemin. Moi, je l'ai écouté récemment. On sent quelqu'un qui est quand même intéressé par son club. Il avait déjà une expérience dans le sport. Voilà. Là, Dagrossa, pour l'instant, c'est faute de com sur faute de com. Et tout ce qu'il nous raconte, c'est du pipeau, ça tient pas la route. Et à part nous inquiéter, ça fait pas grand chose d'autre. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qu'on fait. S'il craque, je veux dire, si la pression populaire, la pression de la mairie, il fait craquer, il aurait craqué tôt ou tard. Vaut mieux qu'il craque maintenant. S'il craque pas, et qui va au bout, eh bien, il leur a prouvé sa contenance. Il leur a prouvé que, il s'est battu, il a été au bout, il en a pris dans la figure. On lui a fait comprendre que les Girondins de Bordeaux, c'était pas n'importe quoi et qu'il n'arrivait pas en terrain conquis. Et puis, peut-être que dans 6 mois, 1 an, on va voir quelqu'un qui va vraiment porter un projet avec de la passion. Mais bon, faut qu'il arrête de nous dire qu'il va redistribuer 10 ou 20 millions d'euros à des actionnaires, quoi. Déjà, j'ai cherché les derniers comptes des Girondins de Bordeaux, pour donner un éclairage peut-être à nos auditeurs. Dans le rapport, donc, 2016-2017 de la DNCG, on parlait tout à l'heure de masse salariale. La masse salariale des Girondins au 30 juin 2017 était de 47 millions d'euros. Pour un budget de 60 à peu près. Il faut savoir que les recettes globales du club étaient de 66 500 000 euros pour des dépenses, charges comprises, à 84 millions d'euros. Donc avant même des transferts éventuels, le déficit du club, le déficit structurel du club est de 18 millions d'euros. Et vous avez tous les chiffres et vous pourrez vous rendre compte aussi. Et là, je vais être volontairement prendre parti, quand Florian tout à l'heure nous parlait de on peut pas développer un côté, on peut pas développer le club uniquement sur l'aspect merchandising, etc. Aujourd'hui, le merchandising à Bordeaux, c'est à moins de 10% des recettes du club. Pour développer ça, et encore, faut savoir quand même que le merchandising du club aujourd'hui coûte plus cher que ce qu'il nous rapporte. On est quand même en déficit d'un million d'euros cette année. Donc il y a et je rejoins totalement Florent quand il nous dit on peut pas parler de merchandising, parler développement du club, parler attractivité sans le sportif, bien sûr. Puisque même les années où on était en Ligue des Champions, Bordeaux n'était pas dans les plus gros clubs vendeurs de merchandising, ni en termes de droits télé. Mais il y a du potentiel à développer, voilà. Il faut s'y installer. Après, mais maintenant, la concurrence est extrêmement rude. Et le problème, c'est que sur cet aspect-là, parce que ce sont des mots, mais sur cet aspect-là, Joda Groza n'a encore une fois donné aucune piste. Il a simplement dit on va améliorer le merchandising. Ni comment, ni par quel procédé. Et les investissements qui sont liés qu'il va mettre dans l'équipe. Et puis il a annoncé aux salariés aujourd'hui qu'il ne toucherait pas. Pas de plan social. Donc, au niveau de ce que tu dis des 47 millions sur 60, le seul endroit où on peut taper, donc, c'est sur le salaire des joueurs. Moi, la seule inquiétude que j'ai sur son discours, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il veut investir dans le merchandising, il veut investir dans le centre de formation, qui d'après lui est le meilleur de France. Bon, on n'a qu'à regarder l'équipe de France et voir qui est formé dans quel club et sont les champions du monde ont été formés. Il y a les transferts, il veut faire du trading de joueurs, donc, et il annonce 80 millions d'euros. C'est quand même. Moi, je trouve ça. On voit qu'il a pas étudié le dossier, c'est emmerdant quoi, il sait même pas de quoi il parle. Donc c'est un petit peu embêtant quoi. Ton avis, voilà. Et juste par rapport à ce que dit Chris 33 la White and See, non, pas White and See, pas pour quelque chose d'aussi importante. Non, on peut pas attendre et voir. On attendra et verrons que contraint et forcé. Et on se battra jusqu'à la dernière seconde parce que non, c'est trop important, c'est notre club. Encore une fois, si un dérapage, on se retrouve en Ligue 2, ça pourrait être dramatique. Ça pourrait être vraiment dramatique. Et là, ça sera trop tard. Et là, ça sera trop tard pour voir, comme il dit Chris 33. Et là, c'est surtout aussi un plan social. C'est-à-dire que sur 220 salariés, là, ça devient 50 salariés, ça, ouais. Il y a 220 salariés, ouais. il y a Il n'en reste plus que 50, hein, 40 personnes. Ouais, ouais. Ton avis, Ulysse, sur la question, est-ce que tu veux réagir sur ce que tu viens d'entendre? J'étais également de l'avis de la personne qui a tweeté en disant wait and see, mais c'est vrai que effectivement ça peut arriver très vite une relégation. C'est en ça que c'est assez problématique. Après, sur Bielsa, surtout en France. Surtout en France, effectivement, on a eu l'exemple de Lens, de Sochaux, de Monaco. On a eu d'autres Auxerre. Il y a de trop nombreux exemples. Surtout, Ulysse, il n'y a pas de marge. C'est-à-dire que la qualité de ton effectif aujourd'hui, il n'y a pas de marge. C'est pas 92, là. Mais il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas énormément de marge. Oui. Mais donc, du coup, une erreur peut te faire basculer dans un sens, comme une bonne action te fait basculer en haut. Est-ce que un des problèmes de GACP, c'est de pas avoir une figure qui représente d'après les discussions qu'il y a eu, etc. On parle d'un président délégué. Est-ce que au niveau de la com, il faudrait qu'il trouve quelqu'un vite? Henri. Ils auraient eu Henri, ça aurait donné du crédit de suite. Mais je veux dire, quelqu'un qui porte le projet vraiment au niveau sportif, etc. Un vrai président délégué. On parle beaucoup d'une personne française qui serait président délégué. Est-ce que... Parce que Juppé voudrait, hein, en tout cas. Oui, Il a indiqué, puisqu'il a indiqué... Et les noms qui sont sortis, on a un profil comme ça. Est-ce que c'est pas ce qui manque à GACP? Pour l'instant, il manque tout. Depuis le départ, il manque tout. Tous les signaux envoyés cet été sont mauvais. Le mercato a envoyé une image mauvaise, parce que quoi qu'on en dise, hein, le mercato, ça a été une co-gestion. Mais le chéquier était déjà dans les mains de GACP. Effectivement, l'affaire Pedro, c'est un blocage de GACP, clairement. On a tous coordonné nos sources, corroborer nos sources, on en est sûr, c'est GACP qui a bloqué. Et Henri, il fallait absolument faire l'effort. Mais ce qui est grave avec l'histoire d'Henri, c'est que clairement, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de réseau. C'est ça qui est terrible. Et tout l'été, visiblement, c'est ce qui s'est passé, c'est que des agents se sont battus pour des commissions sur le dos des Girondins. Ce qui se passe, visiblement, c'est que, et Dagrossa nous l'a prouvé, que ça soit Dagrossa ou King Street, ils connaissent pas le football. Et il y a une espèce de vautours qui s'en sont aperçus, et il y a des gens qui eux connaissent le football et savent comment en profiter, qui ont réussi à les convaincre de travailler avec eux en leur faisant croire qu'eux connaissaient le football et qu'ils allaient leur apprendre. Déjà ça a été des premières erreurs. Henri, il faut à tout prix le faire. Quand pendant une semaine tu fais fuiter de partout que c'est fait, mais c'est mort, t'es obligé d'aller au bout. Est-ce que c'est pas une manipulation de M6 ça d'ailleurs? De... Ouais, exactement. Parce que ça, c'est ce que je lis souvent, et puis... Écoutez, faut arrêter de voir le mal partout. C'est, je veux dire, à la fin, ouais, bah, ils allaient pas prendre pour les Américains, mais... nous, ce qu'on a observé, c'est que quand c'était... La négociation se passait avec Taverneau et Martin, ça allait très bien, et qu'après, ça a capoté, et que toutes les remontées d'informations qu'on a sur cette affaire, c'est pour le réseau. Après, et ce qu'a fait fuiter Henri, c'est pas l'argent, c'est le réseau. Mais clairement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, enfin, c'est facile de M6 et de Martin de négocier. Au final, on négocie pas grand-chose, puisque le sportif était pas à négocier avec Bordeaux, était à négocier avec GACP. On peut aussi comprendre que les demandes sportives de Henri, au vu de l'expérience de la personne, soit, enfin, il demandait quand même qu'on lui laisse gérer beaucoup de choses sans avoir jamais rien montré. Attendez, on parle de gens qui gèrent des entreprises qui pèsent des dizaines de millions d'euros. Je veux dire, ils gèrent leur entreprise comme ça, en faisant des fautes de communication aussi énormes, en se laissant mener par soi-disant M6 qui les a fait passer pour des cons. Mais attendez, mais ce sont pas des grands professionnels qui gèrent des millions, des milliards. Ils pouvaient pas le voir venir, tout ça. Tout est désastreux pour notre club. Un mercato fait à la dernière minute, des coups qu'on n'est pas capable de faire, un Henri qui nous place au centre de la planète football et puis après qui nous ridiculise. Je veux dire, tout est désastreux. C'est ça, les grands dirigeants de société. Et ensuite, ces mecs-là sortent du bois, viennent nous tenir un discours, puis un autre, nous vendent du rêve, nous disent qu'on va concurrencer le PSG, nous vendent un projet, puis après nous en vendent un autre. Mais c'est, ça pue l'amateurisme. Alors si on me dit qu'M6 c'est amateur, mais là c'est encore pire. C'est encore pire. Ulysse, on va remercier Ulysse. Ulysse, si tu veux conclure, et puis après on te. J'ai une question avant que tu partes quand même de la part de Sabine. 12 millions d'euros, pas 17. J'avais une dernière question pour Florian, justement. J'aurais aimé savoir si, si un jour vous allez rencontrer les fameux représentants de GACP, si ça allait se faire avant la vente, après la vente, enfin, comment. Ça sera après la vente. Alors, on a une communication interposée. Il y avait une rencontre qui était prévue mi-septembre. Cette rencontre avait été prévue courant août, plutôt troisième semaine d'août. Et puis on a fait ensuite fin août début septembre le choix de monter au créneau, le choix d'alerter l'opinion, le choix de mener un conflit sur tous les terrains, que ce soit le terrain médiatique sur tous les terrains possibles imaginables. On a beaucoup travaillé. Et là, quand vous menez j'ai vu le mot guerre dans Sud-Ouest aujourd'hui que j'avais employé. Évidemment, c'est exagéré, bien évidemment. Mais quelque part, c'est une sorte de guerre pour nous. On pouvait pas le rencontrer dans ce contexte-là puisqu'on se bat contre lui. On peut pas discuter posément, puisque tout ce qu'il nous raconte, de toute façon, on n'est pas d'accord, et pour l'instant on n'envisage pas l'avenir avec lui, donc c'est pas possible de parler. Maintenant, il y a l'échéance du 11 octobre, on a demandé à y participer. Alors effectivement, c'est les élus, mais bon, ça ne coûte rien de demander à y assister et pouvoir participer aux questions que lui seront posées par l'élu. En tout cas, les questions qu'on aurait eu envie de lui poser seront portées, ça c'est sûr, seront portées par les élus, comme elles le sont déjà. Et puis après, dès que, encore une fois, on n'envisage pour l'instant pas ça du tout, mais on est obligé de l'avoir dans un coin de notre tête. La vente se confirme et qu'M6 fait définitivement ses valises, mais nous on est là pour les mêmes raisons. Je veux dire, on ressortira plus fort de cette histoire-là, clairement. Et l'histoire des Ultramarines, ça a toujours été ça. Faut bien, c'est dans nos gènes. On est né avec un Claude Bess qui disait je veux foutre ces voyous dehors. C'est ce qu'a fait l'histoire du groupe. C'est ce qu'a fait sa naissance et son développement. Ensuite, il y a eu moult conflits, que ça soit la fin des années 90 avec la sécurité du club, un conflit très violent quand le groupe commençait à demander à être respecté et à être écouté. Et ensuite, au début des années 2000, pendant plusieurs années, on a eu un conflit ouvert avec Trio, et les gens le savent pas, mais avec Trio ça a toujours été compliqué, que ça soit pour que Adieu les Scures soit ramené au samedi soir, pour que encore récemment, pour que le Virage n'ait pas 2000 places, que le Bloc ne fasse pas 2000 places mais en fasse 4000. Au début c'était 2005 et on a une réunion extrêmement violente avec Trio, on s'est battu pour arriver à 4000 places, mais tout a été un combat. On se battait tous les ans contre le troisième maillot, on se battait tous les ans, c'était toujours très très virulent, très violent. Alors avec Jean-Louis c'était très respectueux, mais croyez-moi que c'était très agressif, et chacun défendait son bistec avec beaucoup de vigueur. Ça a toujours été ça. Nous on défend tout ce qui est les fondamentaux de notre club, et on défend notre tribune populaire, et croyez-nous qu'à un moment donné les intérêts s'affrontent. Le club, à un moment donné, les intérêts du club passent avant ceux de la tribune populaire, et nous on n'est pas d'accord, et ça se passe continuellement. Donc avec Dagrossa, ça sera comme, alors on l'envisage encore une fois pas, mais si ça devait arriver, ça sera comme ça a toujours été, c'est-à-dire que c'est un rapport de force entre personnes intelligentes et respectueuses. Nous on représente une tribune populaire, on veut pas être pris pour ce qu'on n'est pas, mais on veut pas non plus être pris pour en dessous. Je suis désolé, mais quand vous voyez les matchs des Girondins, on est central dans la vie du club, quoi qu'en disent les gens. S'il n'y a pas le virage contre la Gantoise, c'est pas pareil. Et vous n'êtes pas sûr qu'il y a 2-0. Clairement, il faut être objectif, je dis pas ça parce que je suis un historique de la tribune, mais je le dis de la plus grande objectivité. Donc on veut pas intervenir dans la gestion du club, dans le budget, etc. On veut parler sur les grandes lignes, évidemment, mais c'est pas notre boulot. Mais par contre, on veut pas être pris pour ce qu'on n'est pas. Notre place, elle doit être centrale, et avec Dagrossa, si ça devait arriver, notre place en sortira encore plus centrale. Et s'il veut la paix sociale, et s'il veut qu'il y ait une bonne ambiance à chaque match, il faudra qu'on soit écouté, respecté, et que notre place soit encore plus renforcée. Merci Ulysse. Alors juste, je l'assume pas du tout, mais vraiment pas du tout, elle est de Seb celle-là, mais il m'a... J'espère qu'il a la ref. Mais j'espère qu'il a la référence. Il m'a demandé de te demander, Ulysse, comment va Nono le petit robot? Mais non, ça c'est Ulysse 31, elle est débile. On me la demande à chaque fois celle-là. Hein. C'est nul. Pas très original. Elle est nulle, oui. On est d'accord. Ouais, elle est moyenne. Il en a marre. Seb, reste où t'es. Ouais. Mais c'est une vraie question. Merci beaucoup Ulysse, et puis à une prochaine fois. Et puis si tu veux venir un jour en studio, n'hésite pas à nous demander. On te laissera devant la porte. Voilà. Non, on te prendra et puis on laissera Adrien devant la porte. Merci, donc, voilà. Beaucoup, merci Ulysse, bonne soirée. Bien. Et je réponds à Seb du 33. Donc du coup, qui demande qu'il faudrait inviter un gars des Irréductibles. moi, je serais ravi de les recevoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les contacter. Thierry Solo, s'il veut venir, et qui nous contacte, il n'y a pas de problème. Écoutez, voilà. Moi, je demande presque l'autorisation là, mais à mes collègues, mais puisque c'est soulevé, il faudrait quand même remettre les choses dans leur contexte. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Thierry Sau, beaucoup de respect. Simplement, les Irréductibles sont aucun des déplacements des Girondins de Bordeaux. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. On nous annonce 400 adhérents, ils sont où les 400 adhérents? C'est quoi cette histoire? Il faut, je veux dire, que les Irréductibles aient une demi-page dans le Sud-Ouest, moi, je trouve pas ça normal. Voilà, ils représentent pas grand-chose, extrêmement pas grand-chose. Donc, je veux dire, eux, ils sont intervenus dans le débat en nous contredisant. Bon, ils ont fait un petit peu attention. Hein. Thierry a quand même dit que notre combat était louable. Mais doucement. Je veux dire, quand une association qui représente très très peu de choses dans la tifosaria bordelaise vient ainsi s'exprimer d'une manière aussi, visuelle, à un moment donné, faut remettre les choses à leur place. Hein. Qu'on vienne nous expliquer et qu'ils utilisent cette demi-page en disant ça peut pas être pire qu'M6, si en plus si c'est pour dire des âneries, c'est pas la peine. Ça veut dire quoi, ça peut pas être pire qu'M6? Ça peut pas être pire que 13 qualifications européennes? Alors on va me dire que je suis pour M6 après, mais je suis factuel. Moi je regarde les faits. 13 qualifications européennes, combien? 3 Coupes de la Ligue? C'est ça, 3 Coupes de la Ligue, une Coupe de France, un titre. Ça veut dire quoi de dire que ça peut pas être pire qu'M6? Ça veut dire quoi? La D2, c'est ça. Il y a combien de clubs qui ont nos titres là sur les 20 dernières années? Bien sûr que ça peut être pire qu'M6. Donc si j'utilise une demi-page dans le Sud-Ouest pour dire des années, mais qui se taise? Et encore une fois, les Irréductibles dans la Tifoseria bordelaise, c'est un détail. Donc voilà. Mais nous, on maintient notre invitation. Si jamais il veut... Mais bien sûr, mais la contradiction est grand plaisir. On a toujours été très habitués à discuter avec les Irréductibles. C'est une longue histoire, évidemment. Ils sont liés à notre histoire. Faut pas leur enlever ça non plus. Donc voilà, Seb du 33, tu as ta réponse. De toute façon, avec Thibaut, on avait déjà parlé de faire un rap contender une fois ici en studio. Mets pas à tes histoires. Non, c'est pas toi, Thibaut. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'allais dire, je suis pour rien. Moi, j'avais alors deux questions. Puisque tout à l'heure on parlait, tu parlais d'M6, ça disait oui, si vous êtes anti-américain, c'est que vous êtes pro-M6. Justement, puisqu'on arrive à la fin de l'histoire avec M6, t'as commencé à en parler, le bilan, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan par les ultramarines? Est-ce que pour toi c'est, je vais être un peu plus précis, est-ce que pour toi c'est un regret de voir M6 partir, ou est-ce que pour toi c'est, ou est-ce que pour les ultras en général c'est plutôt un soulagement, ou entre les deux? Pour l'instant M6 c'est pas parti. Bien hein. sûr, mais on prend l'hypothèse. Alors déjà, faudrait rassurer un petit peu tous ceux qui s'inquiètent. Hein. Si la vente se fait pas, M6 va laisser couler le club. Si la vente se fait pas, les Girondins de Bordeaux vont rester un actif pour M6. M6 a tout intérêt à ce que cet actif garde de la valeur. Donc ils ont aucun intérêt à laisser dépérir le club et à lui faire perdre une valeur énorme. Après, sur M6, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, M6 évidemment est venu pour une stratégie de mettre un pied dans le football. Mmh. Elle est aussi venue par la volonté de Jean-Louis Triaud, de Jean-Didier Lange aussi il me semble, qui connaissait Taverneau et qui ont réussi à faire venir M6 dans cette aventure. Bon, faut pas oublier qu'ils ont repris un club qui était champion de France. Oui. Les années ça a été assez compliqué, hein, puisque début des années 2000, comme vous dites, il y a eu ce conflit qui a duré assez longtemps, où justement on demandait beaucoup plus d'ambition. On était passé à pas loin de la relégation. Enfin, oui. Il y avait eu des années très très compliquées, mais bon, globalement, on a vu à cette époque-là un projet, hein, qui a tenu la route, hein, c'est-à-dire d'être européen au moins deux fois sur trois. Ils ont quasiment tenu parole, et au moins on peut pas leur enlever leur franchise, puisque c'est toujours ce qu'ils nous ont vendu. Après, il y a quelqu'un qui incarnait le projet. C'est-à-dire que Taverneau est quelqu'un qui a toujours montré de la passion pour les Girondins de Bordeaux, et nous c'est quelqu'un qu'on a rencontré plusieurs fois, et c'est quelqu'un qui a avec nous a toujours été très respectueux, qu'on a plusieurs fois bougé aussi, mais qui nous a toujours montré beaucoup d'estime, et qui nous a toujours écouté, parce que il appréciait le fait qu'on soit totalement désintéressé financièrement, et que la seule chose qui nous intéresse c'était le club. Donc il nous a toujours écouté avec intérêt. Donc on a des gens qui sont francs, on a des gens qui respectent la tribune populaire, qui lui laisse une place importante. Maintenant, derrière ça, l'analyse sportive, l'après titre, l'après Ligue des Champions, était très mal gérée. Mais il faut bien savoir ce qui s'est passé. Déjà, le début de la mauvaise gestion, c'est l'histoire blanc. Jean-Louis avait beaucoup de qualités, mais voilà, c'est un ancien, et c'est encore des gens qui croient à la parole, et Jean-Louis s'est fait berner tout simplement par Laurent Blanc. Tout le monde savait que Laurent Blanc allait partir, Jean-Louis n'y croyait pas, et ça a complètement déréglé le club. Blanc avait fait signer des contrats longue durée sous la responsabilité d'M6, les premiers responsables c'est M6, mais on s'est tradé des contrats longue durée pendant des années qui ont plombé la compétitivité du club. 2015, ouais, qu'on plombait la compétitivité du club. Encore une fois, la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux. Ils avaient fait ce qu'il fallait pour y être. Fallait continuer d'y être. Au moins 3, 4, 5 ans. Parce que là, on se serait construit une vraie assise. Après, derrière, bon, il y a eu cette erreur, hein, qui nous a totalement plombé et dont M6 est totalement responsable. Après, on a senti petit à petit un peu trop de copinage, un peu trop de laisser aller dans le fonctionnement du club. Les gens étaient, sont pas forcément là toujours pour les bonnes raisons. Chacun essaye de protéger son précaré pour des raisons qui sont pas l'intérêt suprême du club. Donc, c'est vrai qu'on voit depuis quelques années, notamment avec Alain de Wessler, hein, dont on refuse aujourd'hui toute légitimité à occuper quelques postes que ça soit au Girondins de Bordeaux, mais c'est le meilleur exemple, mais c'est pas le seul. Il y a des gens qui depuis quelques années au Girondins utilisent le club à des fins personnelles et pas pour son intérêt. Donc ça, c'est de la responsabilité d'M6. Il y a effectivement beaucoup de carences dans ce club, on est les premiers à le dire à tous les niveaux. Vous avez d'ailleurs ciblé plusieurs personnes, notamment Alain de Wessler qui... Ce que je te disais, de Wessler, au-delà de... Parce que les gens n'ont pas forcément bien compris pourquoi de Wessler. Bon, alors après, on va pas revenir non, dessus. Non, ça peut se résumer assez rapidement. C'est pas possible de contester, puisque c'est vraiment ça la raison principale, c'est pas possible de contester la légitimité du virage sud. C'est pas possible. La légitimité du virage sud au sein du club, elle s'est gagnée, elle s'est imposée, elle s'est méritée, et aujourd'hui elle est ancrée. Voilà, celui qui conteste ça et les premières fictions avec De Vestler, de toute façon De Vestler on l'a vu changer quand Jean-Louis est parti, et je pense que De Vestler visait la présidence, ça a été extrêmement vexé. Alors d'accord. Au-delà du fait qu'il a mis des bâtons dans les roues à Martin, ça c'est avéré, au-delà de ça, on a vu dans l'épisode Carosso qui nous a attaqué, à cette réunion-là, où il y avait Gourvennec, où il y avait Martin, où il y avait De Vestler, il nous a attaqué violemment, à tel point que même Martin et Gourvennec étaient choqués. Mais ça fait 20 ans qu'on le connaît, Alain. Je veux dire, on se connaît très bien, il est devenu fou. Tout d'un coup, il était plus sous la houlette de Trio, il s'est senti pousser des ailes, et il a attaqué frontalement le virage sud. Et ça s'est fini, qu'il y a eu une autre trahison, puisqu'il a été en conseil de discipline après Marseille, et là, devant la commission de discipline, il a remis en question l'importance du virage sud au sein du club. Et ça, je veux dire, nous, c'était quand même quelque chose de grave. Il y a eu un accident terrible. Plutôt que de venir dire les ultras se battent depuis 20 ans contre les pétards et font un travail extraordinaire, il est venu dire ils ont un poids qui n'est pas normal dans la vie du club. C'est scandaleux. Cet homme-là ne fait plus partie des Girondins de Bordeaux pour nous depuis cet instant-là. D'ailleurs, si jamais la vente ne se fait pas, même si ça restera automatiquement, et De Vestler. Mais De Vestler, on va lui mener une guerre sans merci. Là, c'est parce qu'on a autre chose à faire. Hein. Je vous garantis. De Vestler va sauter, d'une manière ou d'une autre. Et justement, la question. Je voulais juste poser une petite question avant. Qu'est-ce que les ultras peuvent répondre aux gens? Parce que je suis comme toi sur les réseaux sociaux. Et on partage beaucoup de points de vue ensemble. Et les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les ultras, ils se prennent pour qui? Tu parlais tout à l'heure de Vestler qui remettait en cause le poids des ultras. Moi, ces gens-là, tu vois, un exemple récent, là. Regardez Prague. Oui. Qu'est-ce qui a représenté les Girondins de Bordeaux ce soir-là? Qu'est-ce qui a donné une belle image de notre club et de notre ville ce soir-là? Combien on était? 300. 300 mecs torse nu dans la tribune à chanter pendant une heure et demie. Et qui ont imposé le respect à l'autre bout de l'Europe. Voilà, c'est, excusez-nous, voilà, ça fait 30 ans que ça dure. Voilà, on a le dernier déplacement qu'a loupé les Ultramarines, c'était en 96. Bon, les tifos, mais enfin, c'est un boulot monumental, moi je les vois, les mecs, mais c'est un truc de fou. Jour et nuit pendant des semaines, c'est un travail monumental, des sacrifices incroyables. Je veux dire, il faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, que ça soit les déplacements. C'est une image formidable pour le club. C'est une force. De toute façon, il n'y a pas de grand club sans grand public et sans grands supporters. D'ailleurs, Paris l'a compris en faisant revenir les ultras. Ils ont compris qu'ils gagneraient jamais la Ligue des Champions sans derrière un COP. Bon, voilà. Le COP est fondamental dans l'image du club. Et ça, tous les week-ends, en France et en Europe, on le montre et on participe parfois beaucoup plus que les joueurs au rayonnement de la ville. Ensuite, les tifos. Je veux dire, les tifos, c'est formidable. Et qu'est-ce que serait Galice sans le virage sud? Enfin, excusez-moi, quoi. Mais on influe sur le nombre de personnes qui vont au stade. Il y a des gens qui nous disent, mais si vous étiez pas là, on s'abonnerait pas, on viendrait pas. Donc on influe financièrement sur les rentrées d'argent. Et encore une fois, c'est objectivement que je vous dis ça. Regardez encore une fois la Gantoise, regardez, et puis dans l'autre extrême, quand il y a 8 000, 9 000 personnes, il y a 2, 3, 4 000 personnes au virage. Ouais. Bon, voilà. Mais après, c'est le peuple, c'est les Girondins de Bordeaux. Il y a même dans les années au début des années 80, il y avait un grand élan populaire. Les Girondins de Bordeaux, ça a toujours été ça. Notre club est un club particulier, et le virage sud est particulier. Les Ultramarines sont particuliers. Il faut être fier de ça. Il faut être fier de cette tradition. C'est le virage a une grande histoire. Qui s'est construite, qui est très populaire. On peut être fier de notre virage, parce qu'au contraire d'autres villes, hein, qui sont corrompues, qui sont aidées, quand on voit les Lyonnais se déplacer à 50 euros à l'autre bout de l'Europe, nous on est aidés par personne, et c'est notre fierté. Voilà, les tifos, personne nous a jamais aidés. Et c'est de la passion, c'est quelque chose qui est sain, qui est authentique, et il faut être fier de notre club, parce que enfin, les Ultramarines en font partie intégrante, et sont complètement dans cet état d'esprit. On a quelqu'un au téléphone? Oui, on a Romich qui est au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir toute l'équipe, bonsoir à Florian, bonsoir à Thibaut, etc. C'est la première fois que j'appelle. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir à toi, et bienvenue. Ah ben merci. Je vous écoute depuis tout à l'heure, depuis Dagrossa, depuis là que Florian parle de M6 et des Ultramarines. Donc je suis d'accord après sur tout ce que vous dites, franchement. Oui. Alors moi, je vous l'avoue que je suis très très très très inquiet, surtout pour la vente, parce que si ça se fait, ben les ultras l'ont assez résumé, mais faudra pas se dire qu'on pourra, comment dire, on prends pas ton pas... temps, respire, ça va bien se passer. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait là je suis très inquiet de chaque jour parce que j'ai l'impression que, enfin je sais pas, peut-être Florian me corrigera, mais j'ai l'impression que Juppé est presque d'accord pour vendre le club aux Américains. Après je sais pas si Florian est au courant de ce qui va se passer, mais est-ce qu'il peut m'éclairer un peu si c'est ce que s'il pense que Juppé va donner son accord pour que le club soit vendu. Ah mais les cartes seront distribuées. Enfin on a quand même la première personnalité, la personnalité la plus importante de la ville de Bordeaux, qui est quand même montée violemment au créneau hier. Hein. Si on décortique ce qui a été dit, c'est très très loin d'être neutre. Hein. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues, c'est clairement. Et tout peut se passer d'ici le 11, d'ici le 12. Hein. Voilà, il faut attendre 15 jours, quoi. Encore 15 jours d'attente. Après, voilà. Après, ça veut pas dire non plus que ça se fera pas. Il faut. Mais par contre, clairement, là, il y a un coup d'arrêt. Il y a un coup d'arrêt à la marche de GACP et de ses partenaires. Bah, après, de toute façon, enfin moi je j'en suis pas sûr, hein, mais je pense qu'il y a une clause suspensive que la vente est annulée si la mairie donne pas son aval, clairement. Mais et sans indemnité. Alors c'est une idée assez folle, mais on a eu aujourd'hui, même si ça a été démenti derrière, l'information qu'il y avait un investisseur émirat, je crois, émirati, qui était sur Saint-Étienne. Est-ce que, alors c'est assez fou d'y penser, mais est-ce que il est possible que récemment il y ait eu quelqu'un qui soit manifesté pour essayer de racheter à la place des Américains et que on ait un gain de temps avec le. Il y a toujours des gens qui scrutent et qui viennent. Après, est-ce que c'est plus que de la simple prise d'information? Honnêtement, on peut pas dire. Mais ce que je sais, c'est que de tout le temps, les Girondins de Bordeaux et M6 a tout le temps eu des prises d'information sur un potentiel rachat, et ce depuis 2010. On sait que McCourt s'est intéressé. J'ai entendu dire que Ribolovlev, à un moment donné aussi, s'était intéressé aux Girondins de Bordeaux. Il y a eu à un moment donné un Chinois, je sais plus comment il s'appelait, le mec d'Alibaba.com, qui s'était intéressé aussi aux Girondins. Après, de la phase d'intérêt à une vraie offre, c'est un monde. Oui, parce que le choix de Juppé, vu qu'il a clairement changé d'avis, enfin du moins pris plus de pincettes que quand il a rencontré. Il a écouté les opposants. Voilà, mais que quand il a rencontré les Américains, est-ce que voilà alors c'est hypothétique. Je vais te répondre juste sur un point. Il y a des procédures, enfin il y a des contrats, voilà. Et à partir du moment où M6 est rentré en négociation exclusive avec GACP, ils étaient, enfin contractuellement parlant, c'était absolument interdit de négocier en sous-main une autre offre quelque part. Oui. La vente, ce qu'on appelle le closing, devait se terminer début octobre. Et bien, il est reporté puisque le vote du Conseil Métropole aura lieu plus tard. Mais jusqu'au moment de closing et jusqu'au moment où la vente doit se faire ou pas, il n'y a pas de négociation possible avec d'autres repreneurs. Seulement après une certaine date, tu peux avoir si la vente est annulée, effectivement, ils pourront prendre contact et réactiver le mandat de vente qu'ils ont déposé dans une banque très célèbre dont je tairai le nom, puisque sinon ça leur ferait de la pub. Voilà. Voilà. Romich, tu avais d'autres questions à poser ? Non, c'était juste après pour dire à Florian encore bravo aux Ultras, parce que comme il a si bien dit juste avant, que je pense que Galice est sans eux, bah ça sonnerait très creux. Ensuite, comme il a dit, ça prend beaucoup de temps pour ceux qui font les tifos, pour ceux qui font son local, je sais pas combien de temps ils passent. Parce que franchement, ce qu'ils font, c'est un boulot monstre. Il y en a, des fois, ça me fait chier au virage. Je vois, il y en a, ils font n'importe quoi, les tifos, ils font des trous. Je pense qu'ils l'ont déjà remarqué, les Ultras, il y en a qui font des petits trous. C'était contre la Gantoise, il y en a un, il avait fait l'idiot, il y en a un, il avait fait un trou. Je sais pas combien de temps ça vous a mis, par exemple, pour Bordeaux-Marseille l'année dernière, les 30 ans. Tu vois, c'est sur ça où je voulais basculer. Je suis venu pendant une journée pour aider pour le tifo à Marseille, je suis venu avec Hugo, qui m'a emmené. J'ai été choqué, en fait, c'était le jour où j'ai aidé à installer. un préfabriqué pour pouvoir installer un canapé, une télé, etc. Ouais, ils ont parce dormi sur place. Parce qu'il y en a certains, ouais, qui, y en a certains, ouais, qui passaient 3-4 jours. Je me rappelle, il y en avait un, c'était son troisième jour, qui passait sans être parti de l'entrepôt et du hangar. Et c'est un travail monstre, parce qu'en fait chacun a ses qualités, chacun, en plus il faut quand même des leaders qui vont montrer ce qu'il faut faire. Et ce que les gens savent pas pour la plupart, c'est que les flots, etc., c'est l'image des ultras, mais il y a pas que, il y a des gens partout. Ah oui, il y en a, il y a même des gens, travailleurs de l'ombre. Quand j'en vois certains, et j'ai l'impression ils ont 15 ans. Ben, et ils sont tout le temps là, ils aident tout le temps, c'est impressionnant. La ligne qui a été choisie par le groupe dans cette affaire de reprise a été choisie par le directoire, qui regroupe une trentaine de personnes de toutes les générations. Ça va de 22-23 ans à quasiment 50 ans. Ouais. Voilà. Et cette décision a été prise à l'unanimité. Donc quand on se fait taper dessus, excusez-nous, il y a juste les 30 personnes les plus représentatives de l'histoire du virage sud qui ont pris cette décision, leur âme et conscience de mener ce combat. Et nous, on le porte. Mais effectivement, moi, j'ai toujours été très, très fier de ma tribune, de sa mentalité, de ses actions. Et c'est vrai que les réseaux sociaux amènent une image. Voilà, là, par contre, je suis pas fier, quoi. Il y a vraiment des gens qui ont fait honte aux supporters bordelais pendant ce débat, par leur incorrection. Qui, pour la plupart, ne connaissent rien, ne sont pas fiche, de Bordeaux. Moi, je m'en fiche, mais j'ai été attaqué sur ma vie personnelle, j'ai été attaqué sur mon boulot. Je veux dire, c'est scandaleux. Scandaleux, il y a des gens qui profitent des réseaux sociaux pour se donner une tribune. Et comme tu disais, moi je défends tous ces jeunes qui qui se sacrifient, qui se cassent la tête pour être tous les 15 jours en déplacement pour organiser la tribune, faire des tifos. Tu parlais de Marseille, ça a été du H24 pendant des semaines, pendant des mois. Et la préparation, elle a commencé un an avant, deux ans avant. Adieu les Scurs, on en parle toujours d'Adieu les Scurs, mais il faut s'en souvenir. Adieu les Scurs, sans les ultras, il n'y a jamais d'Adieu les Scurs. Et pour beaucoup d'entre nous, ça a été sans doute la plus belle journée de notre vie, au-delà de nos événements personnels. Oui. Mais voilà, donc il faut un petit peu respecter les virages sud, il faut respecter les ultramarines, il faut respecter les leaders. Bon, moi ça va, je suis pas... Comment dire, je prends dans la figure, c'est pas grave, j'ai l'expérience. J'ai toujours pris dans la tête, donc j'ai l'habitude, mais quand même, c'est surtout pour ces gens-là, c'est triste. Et puis pour l'image que ça renvoie de notre tribune, c'est pas ça. Notre tribune, c'est l'antiracisme, c'est le respect, c'est la solidarité, c'est des valeurs, c'est des actions sociales, c'est ça le virage sud. Et on dépareille, des Lyonnais, on dépareille des Lillois, on dépareille des Marseillais. Et croyez-moi que dans le monde des tribunes, le virage sud a une vraie place, une vraie image et extrêmement respecté. Donc respectons un petit peu les gens qui les représentent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas non plus caricaturer chaque personne qui est dans le virage comme un ultramarine ou une personne. Il y a des cons partout. Il y a des gens qui vont faire des conneries, qui vont se casser la gueule avec quelqu'un, mais il y en a partout des gens comme ça. Il ne faut pas non plus caricaturer ça directement avec les ultramarines. Et puis ce qu'il faut comprendre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était avec Cyril, je crois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tribune est ce qu'elle est parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une histoire, il y a des codes. Et tout d'un coup, sur Internet, tout s'écroule. Il n'y a plus cette hiérarchie, il n'y a plus ces codes, il n'y a plus cette histoire. N'importe quel gars qui n'a jamais fait un déplacement, qui vient une fois de temps en temps au virage, lui, tout d'un coup, il a la parole comme un gars qui prend son abonnement depuis des lustres, qui fait des déplacements, etc. Je veux dire, il faut... La tribune, elle est codifiée. Et c'est vrai que c'est désarçonnant de voir les gens nous manquer autant de respect. Voilà, c'est triste. Pour la tribune, c'est très triste. Juste, puisque tu parlais tout à l'heure, on parlait des tifos, etc. Sur les réseaux sociaux, vous avez lancé un appel pour trouver un hangar. Ouais. Est-ce que t'as eu des touches? Est-ce que vous avez ça a l'air de bouger. On arrive toujours. Non, mais il faut toujours se mobiliser. Voilà, de toute façon, j'ai quelqu'un pas suivi particulièrement ça. J'ai d'autres préoccupations. Non, mais voilà, c'est juste pour savoir. Il faut relancer l'appel. Voilà. Je crois pas qu'il ait été enlevé. Mais les tifos, c'est pas trop mon domaine. Non. Je suis admiratif et on vient donner un coup de main. Mais voilà, il y a des gens qui des grands artistes qui gèrent ça, et après il y a des vrais travailleurs. Bon, c'est une vraie fierté. Faut savoir que nos tifos, encore une fois, ils sont faits de manière indépendante, et c'est pas le cas partout. Et ils sont très très beaux. Et ils sont repris, comme dit Cyril hors micro, il s'est repris partout, puisque ouais. le Tifo des 30 ans avec la police, ESPN, etc. Et puis aujourd'hui, le virage chute fait partie pleinement de l'histoire. Je veux dire, quand on pense aux Girondins de Bordeaux, on pense au magnifique Tifo pour Bordeaux-Nantes pour Radio Lescure, on pense au magnifique retourné de feuilles pour Milan, on pense au magnifique Tifo pour Prague. Voilà, le virage chute. Quand on pense à la Juve, ce magnifique virage où les gars sont sur les grilles, etc. Et puis même avant, il y a toujours eu cet élan populaire. Il faut être fier de ça. Le virage chute fait partie intégrante du club, clairement. Et il faut se battre pour que le peuple ait cette place centrale, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, cette place, elle est centrale. Il y a quelqu'un qui disait De Vestler, il va rester au Girondins. Mais moi, je peux vous donner ma parole qu'il ne va pas rester au Girondins. Voilà, clairement. Vous savez, nous, on a simplement la force du nombre. Voilà. C'est-à-dire que on est des milliers. Donc, vous savez, on déboule à 500 voyants. Il ne va pas y rester longtemps, hein, De Vestler. Hein. Mais toujours sans violence, hein. Nous, c'est au psychologique. Par contre, on est nombreux à user du psychologique. Et on l'a fait plusieurs fois avec les joueurs, c'était assez amusant. On est arrivé à 300, voyant. On n'a pas besoin d'alerter la presse, de prévenir les réseaux sociaux. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on veut simplement être utile. Il nous est arrivé à 200, 300 d'aller voyant et de parler aux joueurs, de les aligner en ligne et de leur dire maintenant, vous expliquez deux, trois choses. Ou par exemple, quand on avait exclu Poco et que Gourvenec ne comprenait pas dans quel monde il était arrivé, j'ai dit, attends, toi, t'es gentil, Jocelyn, mais bon, t'es pas à Guingamp ici. Les gars, vous nous avez pris pour des cons toute l'année à sortir en boîte, à fumer la chicha, à porter des maillots de l'OM. Mais vous rêvez ou quoi, vous croyez où? Déjà, toi, Poco, tu vas te trouver un club. Et puis voilà, la fin de l'entraînement, il est parti chercher un club. Hein. Donc vous rassurez-vous, hein, De Vestler, c'est déjà du passé. Romy, tu as quelque chose à rajouter? Florian a tout résumé. Vous avez tout résumé dans l'émission. Voilà. Donc, continuez votre émission. Toi, on peut te retrouver sur YouTube. C'est sur YouTube, non? Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Voilà. Il fait des débriefings après match. Il fait des débriefings après match dans sa voiture. Voilà. Si vous voulez découvrir l'accent bordelais. Ouais. Là. Je suis pas Bordeaux de base. Hein. Franchement, voilà. Alors, on cherche toujours le hangar, on vient de me dire. Ah bon, ben voilà. Ouais. Donc, on cherche toujours le hangar. Donc, Si quelqu'un connaît un hangar ou connaît quelqu'un qui peut accueillir les ultras. Puis il faut que les gens se cartent aussi. Voilà. C'est important. C'est toujours d'actualité. C'est un soutien important. Ce carte pense à s'abonner aussi. Encore une fois, on est totalement indépendant. Mais on a quand même. Enfin, les tifos, ça coûte quand même des sous. Le local, c'est important. On a un magnifique local. Il faut que tout le monde participe. Il y a de superbes t-shirts. Le dernier t-shirt là, blanc et. Tu préfères qu'on t'achète un t-shirt plein tarif ou qu'on te prenne la carte? Comment? Les deux. Tu payes ton t-shirt et après tu prends la carte. Déjà, tu vas avoir une différence. Ta carte, tu vas la récupérer en deux achats. En un déplacement plus un achat d'un t-shirt ou d'une charte, tu prends pour un supporter qui dépensait pas énormément chaque année. Non, le plus important, c'est de prendre la carte. Voilà, le plus important c'est de prendre la carte parce que c'est une forme de soutien pour toutes les bourses modestes. C'est vraiment une forme de soutien importante et ça donne une force aussi à l'association et au virage. Sur ça, Flo, pour ceux qui savent pas, comment ça se fait que le prix a été augmenté de 10 euros comparé à l'année dernière? Tout simplement parce que on a besoin d'argent pour financer le local. On a besoin d'argent parce que les déplacements sont de plus en plus chers. Moi, j'hallucine aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas un déplacement en dessous de 80-90 euros. Donc, de temps en temps, là, par exemple, Reims, on n'est pas très nombreux. Parfois, le groupe participe. Donc, il y a un vrai besoin pour les déplacements, pour les tifos, pour la vie de tous les jours, pour le local. Et on a fait ce choix de 10 euros parce que, voilà, regardez, avec les déplacements, regardez le prix de l'essence. Aujourd'hui, il n'y a plus un déplacement en dessous de 80, 90, 100 euros. Les tifos, c'est extrêmement coûteux. Marseille, ça a coûté plus de 30 000 euros. Voilà. Et le local aussi nous coûte beaucoup d'argent. Mais tout est réinjecté dans la tribune. Moi, j'ai été effaré parce que la pire insulte, quand on s'est toujours battu pour être indépendant, c'était de traiter de corrompu. Encore, tiens, je voudrais faire une dédicace à Renouveau FCGB, là, qui nous dit, charmant monsieur là, qui veut faire les socios, machin, et qui aujourd'hui, sur la place publique, vient encore une fois dire, par rapport à un article aujourd'hui, il a dit, ils ont quelque chose à protéger, ils ont quelque chose à cacher. Je voulais réagir déjà là-dessus, il n'y a pas que lui qui l'a dit, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Mais de quels avantages on parle, là? Je voudrais vraiment qu'on m'explique de quels avantages on parle. On n'a pas touché 1 euro sur les déplacements depuis presque 30 ans. Enfin, j'ai pas le souvenir, moi. C'est peut-être arrivé au tout début de l'histoire. Il y a peut-être eu une ou deux erreurs, mais on n'a pas touché un euro. Les tifos, on ne touche rien. Aucun membre des Ultramarines n'a touché de l'argent, quel que ce soit, du club des Girondins de Bordeaux, que ça soit en argent, en cadeau, en voyage. Si, on a bouffé quelques... Ouais, on est invité de temps en temps au banquet d'un partenaire, mais cette année, on n'y a pas été. Oui, c'est vrai qu'on mange un peu au banquet des partenaires. Voilà nos avantages. Après, on a quoi ? On a une boutique en haut de la tribune. Oui, excusez-nous, on nous a prêté un bout de béton, voilà, où on vend nos écharpes. Et les fumis, ben ouais, les fumis. Ouais, effectivement, les fumis. Mais les fumis, déjà, nous, on contrôle pas les fumis. C'est comme ça, on n'est pas policier. Bon, et c'est vrai que les fumis, vous savez ce qu'on en pense. Nous, pour nous, ça fait partie de la culture ultra. Voilà. Il y a des fumis, et effectivement, le club a toujours subi des amendes. Mais je pense pas que ça soit inette, ça. Enfin, moi, je me sens pas corrompu par rapport à ça, vraiment. Mais surtout, quand on parle d'avantages, il faudrait savoir que comme M6 va sortir de toute façon dans 2 ans, c'est pas pour ça que vous êtes donc les Américains. Mais de toute façon, de toute façon, il y aura un rachat derrière. Et encore une fois, tu parlais des amendes sur les fumigènes. Mais attendez, ça fait 30 ans. Non, mais je sais, ça fait 30 ans qu'on gère les déplacements. Si le club avait dû s'occuper des déplacements, ça aurait eu un coût, bien des fois, hein, parce que nous, ça nous a jamais rapporté d'argent, les déplacements, ça nous coûte. Hein. Bon, ça fait 30 ans qu'on gère les déplacements de tous les supporters de France. Enfin, il y a les marines et blancs de leur côté, mais voilà. Donc, et derrière, les tifos, on demande rien. Bon, oui, effectivement, il y a quoi, 50, 100 000 euros d'amende. Bon, ben voilà, ça va pas nous faire pleurer. Effectivement, on le paye pas, ça. Hein. Mais on n'a rien à gagner ou à perdre dans l'histoire de la vente du club. Je vous garantis que notre bout de béton, on le gardera. Et si on le gardera, si on le garde pas, mais c'est pas grave. Hein. Nos écharpes, nos machins, on les vendra. Hein. Notre boss, si on nous empêche de la rentrer, il faudra nous marcher dessus. Vous avez vu l'autre fois comment la tribune a réagi quand il y a eu deux banderoles qui ont été arrêtées par la CIR, visiblement. Je sais pas, c'est quoi, là ? Alors, c'est visiblement une directive s'est passée au-dessus de Taverneau, puisqu'on avait l'accord de Martin et de Taverneau, et visiblement, ça serait au-dessus de Taverneau que des gens d'Artel Group auraient demandé directement à nos chers amis du service d'insurrection à la rébellion, hein, service, c'est quoi le nom, le réel nom, service d'intervention rapide, qui visiblement a donné l'ordre à la CIR d'interdire ces banderoles. Bah, la tribune s'est soulevée. Mais vous savez, les tribunes populaires, c'est une vraie force. On a réussi à faire disparaître une tribune populaire à Paris. Enfin, il y a eu 2 morts. Hein. Il y a eu 2 morts, et bon, on va pas parler de Paris pendant 2 heures, mais c'était une affaire d'État. Je veux dire, les Qataris devaient acheter Paris, il fallait pacifier tout ça. Bon, ça a été une manipulation pas croyable, avec un contexte sociologique très particulier, les cités d'un côté, le tout Paris de l'autre, enfin une poudrière en puissance. Bon, voilà, et puis il y a quand même eu 2 morts, et c'est ça qu'a fait le placement aléatoire et qu'a fait que le peuple a accepté cette répression. Mais enfin, quelques années plus tard, on a été les chercher en rampant, les ultras, hein, ils sont de retour aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez pas faire disparaître l'âme d'un club. On est l'âme d'un club. Nous, on demande rien que simplement qu'on nous ouvre le stade le matin pour installer le tifo, qu'on nous laisse rentrer les drapeaux, les banderoles. Si on veut bien continuer de nous laisser le petit bout de béton en haut, bah, tant mieux. Mais c'est tout. Donc, à tous les gens qui croient qu'on est corrompus, voilà, c'est scandaleux de dire des pareilles choses. Voilà, c'est la pire des insultes que vous nous faites, et vous vous ridiculisez en disant ça, renouveau machin là, vous êtes ridicule, et c'est une honte de tenir des tels propos, vous êtes la honte des supporters bordelais, vous et d'autres. Et bien comme ça, moi c'est clair. Ouais, mais ça fait du gars. Non, mais au moins tu peux répondre aussi. Et donc du non, coup, on roule pour personne, ni pour M6, ni pour GACP. Nous, on roule pour les Girondins de Bordeaux. C'est la seule chose qui nous motive. Et ouais, quand tu parlais de le mot qui revenait, c'était respect. Au moins du respect. Si voilà. Vous êtes pas d'accord, voilà. Au moins respectez. Respectez les combats et respectez les. Et moi, je refuse pas la contradiction. Je refuse pas la contradiction. Venez tous me contredire. Vous allez voir si je refuse la contradiction. Moi, je refuse la contradiction irrespectueuse. On me dit ouais, tu bloques tout le temps sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un manque de respect au virage sud, voilà, il est plus digne de regarder nos publications, etc. Et ben, ça sera le mot de la fin, le respect. Alors, le mot de la fin, c'est ça, voilà, et encore une fois, ce combat, on l'a tous mené, tout le monde a eu son rôle, vous tous autour de cette table, vous avez eu votre rôle, tous les supporters bordelais, même ceux qu'on contredit, après tout, ils ont participé au débat, mais on peut être fiers nous Bordelais, de pas avoir laissé comme ça notre club vendu dans n'importe quelle condition, quoi qu'il se passe après. Ce combat était utile, fort utile. On a influencé sur le cours de l'histoire, quel qu'il soit, et ça, c'est grâce au peuple bordelais. Il faut être fier de ce qu'on a fait, et on a montré vraiment que les Girondins de Bordeaux étaient quelque chose, étaient un club à part, et bravo à tous, et il faut continuer comme ça, et tout ce qu'on a fait ces dernières semaines aura de toute façon une grande utilité. Et autre chose, surtout que la réputation qui est celle de Bordeaux, c'est-à-dire une belle endormie, si vraiment elle avait été une belle endormie, je pense que Dagrosa aurait racheté le club déjà depuis un mois, bien et sûr. Que tout, voilà, qu'on serait déjà sous pavillon américain, et qu'on, voilà. On va arrêter l'émission là, mais la on culture. Va rappeler que dimanche sur France 3 Aquitaine, il y a une émission qui est faite sur le rachat, donc du coup où il y aura donc Florian qui intervient, il me semble, c'est ça, Florian? Dimanche, oui, dimanche, émission à ne pas louper. Émission à ne. On le fait pour la cause, hein, voilà. Et puis on fait profiter de notre expérience parce que Laurent et moi, ça fait très longtemps qu'on le fait et on le fait avec grand plaisir. Et effectivement, cet après-midi a été enregistrée une émission fort intéressante. Alors on nous dit il n'y avait pas de contradiction. Si Nicolas Florian est plutôt très très favorable à la réalisation du projet et il a joué son rôle de contradicteur cet après-midi. Il y avait Uto qui a été très très intéressant. Moi j'étais très surpris, je le connaissais pas. Bon, Rouvert, vous le connaissez un peu plus. Non, ça a été un débat qui a duré très longtemps, plus de 40 minutes. Vraiment, le loupez pas. Voilà, ça a été très très intéressant. France 3 Nouvelle Aquitaine. Un débat très très intéressant. Uto, donc pour ceux qui, c'est Christophe Uto, l'agent de Gaëtan Laborde, et qui a été notamment. Un élément de l'été médiatique bordelais, puisqu'il a il a parlé sur Poyet, l'histoire, voilà. Poyet, il fait partie du déclencheur Poyet. Ouais, il m'a d'ailleurs certifié que Poyet était au courant le mercredi, hein. Donc, oui. Pour le transfert. Ça, c'est le débat. Mais en tout cas, déjà, merci à nos invités du soir qui ont été gentils. Merci à toi, Flo. Merci à vous, les amis. Merci à vous. On a vu Romain Molina il y a quelques semaines. Qui a sorti une autre vidéo. Qui vient de sortir une nouvelle vidéo sur GACP et l'analyse. On sait que les propos sont souvent sans langue de bois et peu contrôlés, mais on sait aussi généralement qu'il bosse grandement ce qu'il dit. Bon, mais si vous voulez continuer et prolonger l'analyse de ce qui se passe, vous pouvez toujours aller voir ces vidéos. Exactement. Les phrases de fin, donc Flo, on te laisse conclure une phrase. Encore une conclusion. Une phrase qui te fait plaisir. Cartez-vous. Encartez-vous, c'est ça. Ah, qui a un message à part. Notre seul combat à nous tous, c'est l'intérêt suprême des Girondins de Bordeaux, et plus que jamais. Et c'est pas les 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est 30 ans, 50 ans, 100 ans. Notre club doit rester un monument, et c'est la seule chose qui doit nous motiver à tous. Voilà. J'ai un message pour Seb, si vous me permettez, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Oh, mais ta gueule, toi, ta gueule! Ta gueule! Voilà, c'était une petite dédicace pour Seb. On a perdu 2 oreilles, mais. Donc, vas-y, mais phrase de fin, donc la mienne, ça changera pas, c'est Didier Sénac, le seul, l'unique. Bah, moi, ça va peut-être faire bondir Flo, mais Claude Baize, voilà, j'avais le premier. Et moi, un message sur les féminines qui jouent demain contre Dijon, voilà, qui ont plutôt bons résultats, invaincus sur les 3 premiers matchs. Tout à fait. Bobby, tu veux parler de Casey peut-être par rapport à MPG? Non, du tout. Pourquoi tu l'as? Mais parce que tu perds déjà 2-0. Ok. Bon, Inch'Allah, je gagne. Qui s'en fout. Allez, moi, je vous donne rendez-vous lundi. J'ai pas de phrase de fin, donc on s'en fout. Passez une bonne soirée. Allez, merci à tous aussi de nous avoir suivis sur le chat, parce que ça a été dynamique. Du tout, mais du tout parler du match de Lille, on va dire. Il y a un match? Ah oui. Oui, il y a un match. Juste pour résumer, la victoire est belle. Mais tout on en fait. Reparlera lundi on aura 2 matchs à analyser et à commencer à parler d'Europa League, puisque Bordeaux aura déjà besoin de prendre 3 points après sa première défaite sur les 6 matchs de groupe. Passez une bonne soirée, on vous souhaite donc d'écouter sur France 3 Aquitaine, enfin Nouvelle Aquitaine, l'intervention. Je sais pas quelle heure d'ailleurs c'est. Mais, ouais, c'est tous les gens demandent, je pense, enfin je vois passer 11h. C'est d'habitude. Moi, je vois passer ça. Enfin, il y a des gens qui disent ça à 11h à peu près. 11h55. Sinon, Pierre, il y a un replay. N'hésitez pas à regarder. Il y aura le replay et il y aura Girondin 33 qui va, je pense, voilà, tout ce qui va et dire. Et puis, il y a le podcast sur Facebook. Sur la Tribune Gold, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posté la bande-annonce de l'émission. Donc, oui. Voilà. Et il y aura le podcast aussi de l'émission qui va sortir. Donc, j'ai pas eu le temps de sortir celui de lundi dernier. Pour ceux qui ont raté Mathieu Rouvert ou Pierre Rondeau ou l'intervention de Flo aussi, ça sera un bloc par contre. Voilà, vous pourrez tout réécouter et voilà. Et puis et on réitère aussi l'invitation à ceux qui défendent le rachat par les Américains. Nicolas, donc, voilà, ou Alain, si tu nous écoutes, AJ33, Alain Juppé. Voilà, on peut, je sais pas si le on peut organiser eux ou quelqu'un de son parti, voilà, ou quelqu'un de la mairie. Allez, bonne soirée, à bientôt, à lundi. Salut. 20h30, 22h. À bientôt, ciao.